toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Les vacances commencent plutôt bien dans le ciel pour tout le monde, excepté quelques gros nuages dans la moitié nord et quelques gouttes aussi peut-être vers la région parisienne ce matin. La journée s'annonce ensoleillée. Cet après-midi, il fera donc beau partout, comme pendant les deux ou trois prochains jours. Grosse dégradation prévue en fait ce week-end avec une chute des températures. Ce lundi, au max, il fera 16 degrés à Angers et à Reims, comptez 20 à Toulon. Et puisqu'on parle du Var, les autorités sont claires. Le nettoyage des plages autour de Saint-Tropez va prendre du temps et il faudra des mois pour faire disparaître les galettes de fioul qui se sont déposées sur le sable et les rochers après la collision entre deux cargos au large de la Corse. Il faut éviter la zone jusqu'à nouvel ordre. L'image est choquante, bien sûr, celle de cette prof braquée en plein cours par un élève jeudi dernier. L'ado de 15 ans qui a sorti son arme factice dans un lycée de Créteil sera bien poursuivi en justice. Il a été mis en examen hier avant d'être relâché. Il comparaîtra plus tard devant un juge pour enfants. Le gouvernement promet également un plan d'action ambitieux contre les violences visant les enseignants. Dans l'actu aussi, le journal Aujourd'hui en France dévoile ce matin plusieurs mesures du projet de loi sur les transports. Le texte sera débattu le mois prochain au Parlement et notamment une proposition forte, la fin des barrières de péage traditionnelles. Les plaques des voitures seraient alors scannées grâce à des caméras lors de leur entrée sur l'autoroute, de quoi fluidifier le trafic en principe. Il y a également un meilleur encadrement du covoiturage, une taxe sur les cartes grises ou encore la possibilité de descendre du bus quand on le veut et plus uniquement aux arrêts. C'était il y a une semaine, des intempéries monstres provoquaient de graves inondations dans le département de l'Aude. Emmanuel Macron passera la journée sur place avec les nombreux sinistrés. 14 personnes sont mortes, plus de 70 ont été blessées à cause des crues, sans oublier les centaines d'habitants qui ont tout perdu ou presque. Il y en a pour plus de 200 millions d'euros de dégâts matériels, selon la dernière estimation officielle. Du sport et du foot, l'OM a bien préparé le Classico programmé le week-end prochain. Marseille a gagné hier à l'extérieur en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Victoire 1-0 à Nice avant donc de recevoir le PSG. Au classement, Paris reste seul leader devant Lille et Montpellier. Retour des Coupes d'Europe cette semaine. Ils sont nommés tous les quatre aux Energy Music Awards. Big Flo et Oli, tout d'abord. Les deux frangins toulousains s'apprêtent à sortir leur nouvel album. Ils viennent de dévoiler la liste des chansons de la vie de rêve. 15 titres, dont un duo avec Black M et Soprano. Sinon, Maître Gims et Vianney ont tweeté quasiment en même temps hier soir. Ils n'en reviennent toujours pas. Le clip de leur duo, La Même, a dépassé les 100 millions de vues sur YouTube. Et les Energy Music Awards, la cérémonie pour le 20e anniversaire, ce sera le 10 novembre à Cannes. Et vous votez, comme d'habitude, sur le site officiel. 6h02, c'est la fin de ce flash, on est le lundi 22 octobre. Bon réveil, bonne matinée, bonne semaine avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Coucou les wawas. Coucou. Bonjour Isabelle. Hello. Bonjour Paulette. Youpi, c'est lundi. Bonjour Glandier. Debout, debout, debout. Bonjour Nico. Câlin gratuit. Et bonjour papa. Qu'on peut démarrer. Allez, ça commence. Il est 6h03, nous sommes le 22 octobre 2018, le week-end est terminé. Bonjour lundi! Bonjour lundi! Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas avoir par tous les gens qui vous disent que le lundi il est pourri, que le lundi il est moisi, que le lundi il est caca. Non! Wow. Le lundi c'est pas caca. Non! Si j'étais président de la République, ouais. La première loi que je voterais, c'est ça. Ah, bravo! Le lundi, c'est pas caca! Ah bah, ah, super. Alors. Mais quelle est la loi exactement? C'est juste un texte comme ça, quoi. Écoutez, monsieur Glandu. Parce qu'il n'y a pas de loi, mais on peut écoutez, en parler. Nous, si avons, nous avons vu ce que vous avez donné au gouvernement. Non, j'ai essayé. Nous avons vu vos résultats. Les Français ont tranché. Les Français ont simplement dit. Le lundi, c'est pas caca. Donc, s'il vous plaît. Oui, c'est un peu facile, hein, monsieur Manu. C'est un peu facile. Qui était là avant moi, c'était vous. Qui était là avant moi pour alors, écoutez-moi, permettez-moi de vous. Et vous avez laissé un bilan désastreux. Alors, ce n'était pas moi. D'abord, c'était je vous. N'étais pas là. Figurez-vous que je n'étais pas au gouvernement. C'était votre parti. Il y a 8 ans. C'était ce votre parti. Alors, s'il vous plaît, le parti a changé de nom depuis. Vous le savez. C'est un peu facile, ça. Écoutez, je le dis aujourd'hui. Qu'avez-vous. Alors, je vous pose. Qu'avez-vous fait de mieux que le lundi, c'est pas caca? Hein? Nous avons, écoute. Nous avons instauré le mardi, c'est ravioli, ravioli pour tout le monde. Effectivement, ce qui a causé d'ailleurs la chute de, bah, par exemple, de l'industrie des spaghettis. Donc, on a vu ce que ça a donné. Donc, s'il vous plaît, vous n'avez vraiment. Vraiment pas de leçon à donner à mon gouvernement, monsieur Glandu. Quel argumentaire, là je m'incline. Le lundi, c'est pas caca et puis c'est tout. Il est déjà 6h04. Ah ouais. Soyez les bienvenus. On va écouter Jane dans deux minutes. Juste après, c'est les concours du jour pour se dire qu'il y a pire que nous. Parce que oui, il peut y avoir pire que nous. Et pourtant, on a fait une démonstration du contraire. Tout le monde est là, qu'avez-vous envie de partager pour démarrer cette journée? Allez, Isabelle. Donc je vous ai dit que j'avais une souris chez moi il y a quelque temps, vous vous souvenez? J'ai une petite souris qui se balade. Ah oui, oui. Un coup je la vois, un coup je la vois pas, elle est là. Donc j'ai décidé d'acheter une boîte à pas pour pas la tuer, parce que ça me fend le cœur. Alors c'est quoi la boîte à pas? Bah c'est une boîte, tu mets un petit truc dedans qu'elle adore, hop ça se referme, et tu relâches la souris plus loin, tu vois. Ah ok. Dans la campagne, voilà. C'est comme un truc qui fait clac, sauf que tu tues pas la souris. Exactement, elle est juste emprisonnée. Très bien. Je mets du beurre de cacahuète dedans, parce qu'on m'a dit que les souris c'était vraiment leur péché mignon. Je laisse ma boîte, hop je vais me coucher, ce matin j'ouvre la boîte, plus de beurre de cacahuète. Et pas de souris. Mais non. Donc là, j'ai envie de pleurer. Voilà. Disons que tu as affaire à ce qu'on appelle une souris machiavélique. Ouais. Mais comment elle a fait? Je sais pas. Le problème, c'est que là, elle va prévenir tous ses autres pas de souris. Ouais. Elle va dire, les gars, là, il y a du beurre de cacahuète. T'as pas dû bien mettre la boîte, en fait. Je comprends pas. Mais attends, elle s'était refermée la boîte ou pas? Oui. Ouais. Oh, c'est ouf. Ou alors c'est ton mari qui s'est levé en pleine nuit, qui avait une petite faim. Qui a mis la main dans la boîte. Ah ouais, c'est aussi une possibilité. Ouais. C'est pas bête. Oh, tout à l'heure, regarde quand tu rentres, s'il a la main gonflée, un bandage. Un truc. Ouais. Sinon, c'est que t'as une famille de souris qui est maligne. C'est-à-dire qu'il y a les souris qui ont supporté. Il y en a qui, avec leurs petits bras, qui poussaient la boîte comme ça, qui la tenaient. Une souris qui est venue aller dedans, après, elles ont relâché. Je vois pas d'autre explication. Tout ça pendant que je dormais, en fait. C'est génial. Bah, c'est ça. Sinon, maintenant, la solution, c'est que tu dors devant. Hein. C'est ça. C'est comme dans les films avec une lampe poche, comme ça. Et t'attends que la souris arrive. J'ai pas d'autre solution pour toi. Okay, merci Manu. Je t'en prie. Qu'avez-vous envie de partager pour démarrer la journée, Nico? J'ai trouvé la solution ce week-end pour ne plus vous engueuler avec quelqu'un. C'est absolument génial. Pour plus engueuler avec quelqu'un, avec n'importe qui. Ah ouais, en couple, en voiture, avec ton patron, avec ton truc, c'est absolument génial. C'est un truc qu'on a testé en fait avec ma femme pendant une semaine et ça a vraiment marché. C'est que dès qu'on a envie de s'engueuler, dès que ça part, on chuchote. En fait, c'est tellement nul de chuchoter quand tu veux t'engueuler. Ouais, tu fais chier. Pourquoi t'as pas rincé l'assiette avant de la mettre dans la vaisselle? C'est quoi ce truc? Bah, du coup, c'est tellement nul qu'on arrête de s'engueuler au bout de 5 secondes, quoi. Mais c'est pas con comme truc. C'est génial. Mais il faut penser à le faire, quoi. Ah, non, oui. Quand t'es genre, mais merde, tu me fais chier déjà que ta mère elle vient. Il y a des règles. Ok, donc attends. On chuchote. Ah, mais merde, mais tu me fais chier parce que ta mère, quand elle vient, franchement, ça me gonfle. Tu vois? C'est nul. Ah, ça marche pas mal. Franchement, c'est trop bien. Ah, c'est con. Ouais. Tu te rends compte, tu m'aurais dit ça, par exemple, en juin, je me serais pas séparé. J'arrive un peu trop tard, mais. Bah, tu sais quoi? Si on me demande pourquoi je me suis séparé, bah, je dirais que c'est de ta faute. Oh, merde. 6h07, Jane sur LRG. Juste après, c'est les concours du jour, des gens improbables qui font les choses improbables. Je vous raconte leurs histoires dans 3 minutes sur LRG. Nacho. Things gonna be we won't give up. 10h10, bon réveil sur Énergie, on va écouter Kenji le dernier. Le hit de Kenji préféré, le glandu. Ah, je l'adore. Ah, mais je sais. Ah ouais, il est beau. C'est gênant parce qu'il te regarde dans les yeux, ouais. Quand il connaît les paroles. C'est vrai. Je te le dis, c'est gênant. D'accord, ok. Donc je ne te regarderai pas dans 3 minutes. Ah si. Kenji arrive pour vous, juste avant ça, voici les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte tous les matins leurs histoires. Et là, vous allez vous dire qu'il y a toujours pire que vous dans le monde. Ouais. On démarre aux États-Unis. Un homme masqué braque une bijouterie et emporte un pendentif et une bague, les deux en or. Ouais. Le mec disparaît, on le retrouve pas. Ouais. Mais le lendemain, le même homme revient, cette fois visage découvert, comme simple client. Ouais. Et le bijoutier l'a immédiatement reconnu, alors que la veille, il portait un masque. D'accord. Ah, d'après vous, pourquoi? Je sais pas. Parce qu'en fait, le mec portait le pendentif et la bague. Non. Si. Ah bah ouais. Donc du coup, le bijoutier les a reconnus tout de suite. Il a appelé la police, qui est venu arrêter le mec. Ah oui. Voilà. On enchaîne. En France, en Charente, des ouvriers ont, sur ordre de la SNCF, rénové une gare. Ça c'est bien de rénover une gare. C'est cool, petit souci, la gare en question est totalement fermée. Les voies ferrées qui passaient par là aussi. Et en fait, c'est une gare fantôme et aucune réouverture de la gare n'était prévue. Mais non. Donc voilà, la rénovation ne sert à rien. C'est-à-dire que personne dans la chaîne des ouvriers et de la SNCF s'est dit, là, il y a un problème. Là. Personne. Non, c'est cool ça. Personne. C'est bien. Vous savez, quand les critiques, quand ils sont en grève, en fait. C'est pas si mal que ça, hein. Dernier concours du jour, ça se passe aux États-Unis. Un homme a volé, a cambriolé, a braqué un Subway, la sandwicherie Subway. Ouais. Il braque, il prend la caisse. Et il se barre. Et il revient. Parce qu'il avait oublié de prendre le sandwich qui était l'alibi pour le cambriolage. Oh non. Voilà. Oh, le concon glouton, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, les policiers l'ont vu sur les caméras de surveillance, etc. Le mec s'est fait gauler. Voilà. Génial. 6h12, on revient tout de suite avec le nouveau Kenji. Soyez les bienvenus sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. Et c'est ouin. Sur Énergie. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing. I'll do it over again. I didn't want it to end. I watch it blow in the wind. I should've listened to my friend. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate.

faut absolument que mes affaires d'été, je les descende à la cave parce que j'ai plus de place dans mon placard. Mmh. Mais je n'y arrive pas et je ne le ferai pas cette semaine parce que je suis persuadée que cette cave est hantée. Oh non. Ah non, mais je vous promets. C'est-à-dire que je suis descendue deux fois dans cette cave, deux fois des événements paranormaux se sont produits. Ah, c'est genre quoi? Genre des petits pas qui courent alors qu'il n'y a personne. Vous auriez eu peur, je pense. Et en plus de ça. Pourquoi tu prends ce ton-là? Parce que j'ai hyper peur. D'accord, ok. Donc quand t'as peur, tu parles comme ça. Je parle exactement de cette manière. D'accord, ok. Et la dernière fois, un voile blanc qui passe devant moi. Ou pas. Non, mais. T'avais picolé, Paulette. Non, non, c'était l'après-midi. Donc t'es descendu deux fois à la cave, deux fois il y a eu des événements paranormaux. Deux fois, exactement. Donc je voulais savoir si quelqu'un voulait venir descendre. Tu veux qu'on descende avec toi à la cave? Ouais. Alors franchement, ça peut me faire rire. On fait un Facebook Live même si tu veux. Ouais. On verra les événements paranormaux et on y va tous ensemble à la cave de Paulette. Mais ouais. Ça peut être un échec hein, du coup. Mais événements paranormaux. Non mais c'est sûr que ce sera un échec. Le seul événement paranormal, ce sera Paulette. Hein. Qu'est-ce que vous devez faire cette semaine, mais que vous ne ferez pas? On garde l'idée, hein, d'aller dans la cave de Paulette. Merci. Nico, je dois aller chez Ikea avec ma belle-mère. Pour l'aider à porter des trucs là, parce que tu sais, ils ont acheté un nouvel appartement là, mes beaux-parents, pas très loin de chez moi, donc je dois aller chez Ikea pour l'aider à porter des trucs. Et j'ai dit pas cette semaine, peut-être semaine prochaine. Ok, c'est bien ça. Je repousse de plus en plus. Ah, je comprends, je comprends. On sent quand même dans le ton de Nico, dès qu'il y a belle-mère, un début de dépression. Ouais. parce que là maintenant, ça y est, il en a marre. Ah ouais. Voilà, j'en peux plus, c'est comme ça. Elle a un mari, non, pour porter les trucs Ikea. Oui, mais apparemment, c'est aux gendres de le faire dans sa famille. Ah d'accord. Et puis déjà, le mot gendre. Hein, oui. Non, la belle-mère de Nico est compliquée. Ouais. J'adore mon gendre. On a Flora avec nous au téléphone. Bonjour Flora. Salut Manu, salut toute l'équipe. Bienvenue sur Énergie. Flora, qu'est-ce que tu dois faire cette semaine? Mais tu sais que tu le feras pas. Alors cette semaine, je dois commencer mon régime, mais je sais que je ne le ferai pas parce que ce soir, j'ai un repas avec des copines et on a commandé des pizzas. Ouais. C'est que vous, les pizzas, même les pizzas, vous les commandez en avance, des jours avant. Ouais. Ah ouais, parce que on s'y prend tôt. Ah bah oui, Alors c'est marrant, tu sais que tu dois faire un régime, mais avant, la semaine d'avant de commencer ton régime, tu commandes déjà des pizzas. Flora, tu as battu tout le monde. Merci de nous avoir appelé, belle journée à toi. Qu'est-ce que vous devez faire cette semaine, mais vous savez que vous le ferez pas, Glandu? Moi c'est payer les 20 euros que je te dois, suite au pari qu'on avait fait. Ouais, je le ferai pas cette semaine. D'où tu le feras pas cette semaine? Bah attends, il y a eu blessure et tout, je me suis blessé. Alors, suite au pari. Ça s'est passé la semaine dernière, on vous rappelle les faits. À la fin de l'émission, Glandu a voulu faire un pari. Il descendait en escalier et il remontait. Et nous, on était dans l'ascenseur, on faisait la même chose. Ouais. On a fait l'aller-retour en ascenseur, on a gagné. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Glandu s'est blessé, il a eu une entorse. Hein. Une grosse entorse. Bon, toujours est-il que le pari était de 20 euros. Il n'y a pas de raison que tu. S'il y a blessure, le règlement dit qu'il y a nullité du pari. Mais quel règlement? Le règlement des paris, le règlement international des paris. Non. Alors déjà, il n'y a pas de règlement, Glandu. Et en plus, du coup, ça veut dire que tu as 4 jours de retard pour avoir payé Manu. Donc attendez, j'ai failli payer de ma vie ce pari. Ça vous suffit pas? Bah non, ce qui me suffit, c'est les 20 euros. Bon, d'accord, ils arriveront. Ta vie, tu la gardes, ça ils arriveront. Pas, Ils arriveront. Ah, voilà. Bah pas cette semaine, du coup. Ils arriveront. Thibaut, bonjour. Bonjour l'équipe, salut Manu. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce que tu dois faire cette semaine, mais que tu ne feras pas? Bah cette semaine, je dois me remettre au sport, mais le problème, c'est que j'aime trop la console. Et quand je dois faire un choix, je choisis la console, quoi. C'est toujours plus fort que toi, la console. Tu peux faire 10 pompes à chaque fois que tu perds. Ah oui, bien sûr. Non, du sport et de la console, quoi. Thibaut, l'écoute pas, viens. On va fermer la porte tranquillement et on va aller jouer, t'inquiète pas. T'en as même pas. 6h23, merci de nous avoir appelé, Thibaut. Kaiser Panda, tout de suite sur Énergie. Soyez les bienvenus. C'est lundi, c'est le 22 octobre. On démarre bien la semaine en se disant que cette semaine, encore une fois, on fera pas ce qu'on doit faire. Fiesta DJ llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque, de noche me floco como Yandel. Vamos de Colombia hasta Portugal.

Eux, ils sont très proches de nous. Eux, ils sont très proches de ce qu'on a décrit dans la saison. Ils sont pas plus spéciaux que n'importe qui d'autre. Ils sont juste, ils vivent dans le sacrifice et ils acceptent de sacrifier énormément de leur vie pour une cause commune. On a tous eu l'expérience d'un agent de la DGSE, mais des gens assez haut placés qui nous ont dit, écoute, moi, ça fait 20 ans que je peux rien dire à ma femme. Mais le simple fait de pouvoir lui montrer le DVD, de pouvoir lui montrer la saison, elle comprend mieux ce que je fais. Mais il était vraiment, il avait gros sur la patate. Tu sens que c'est vraiment des choses très très lourdes. Le sujet de la série, c'est de ça dont on parle. Et le fait de pouvoir partager ça avec mes enfants, ça m'enlève un énorme poids. On est dans le réaliste. Donc si on n'a pas leur caution, on est dans la merde. Voilà, Mathieu Kassovitz, encore Artus, a retrouvé tout le casting de la saison 4 du Bureau des Légendes à partir de ce soir sur Canal. Une adaptation américaine est déjà en cours de préparation. 6h35, c'est la fin de ce flash, lundi 22 octobre. On réveille avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonne journée. Dans 5 minutes, c'est les sondages du matin. Nous sommes lundi aujourd'hui et le lundi serait le jour de la semaine où cela nous arriverait le plus. Ah, de quoi il s'agit ? Eh bien, la réponse est dans 5 minutes. Ce sera juste après le dernier David Guetta. À propos des lundis, si vous n'aimez pas le lundi, si vous n'avez pas envie d'aller au boulot, voici une excuse qu'il ne faut pas utiliser. Ah, d'accord. Merci. Si vous ne voulez pas aller au travail un lundi, je vous rappelle qu'on ne doit pas le faire, mais je vous l'explique quand même. Il y a des gens qui sont atteints de lunaédisophobie. Non. Ce qui est... Non, quoi ? Non, ça paraît une blague, en fait, ça paraît pas vrai. La lunaédisophobie ? Ouais. Si, si. Lunaédisophobie est une peur, c'est une phobie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Peur anormale, voire dégoût extrême du lundi. Mais non. Oh là. Non, mais... Écoute, je connais un paquet de gens. Hein. Ouais. Un paquet de gens malades. Ouais. Et on n'a pas de vaccin pour ça. Non, on n'a pas de vaccin à faire. Mais alors, tu sais quoi ? Tu parles de vaccin, bim boum, j'ai un faux vaccin. Oh, wow. Oh, c'est fort. Vas-y. On va faire comme ça les infos maintenant. Vous, ah me, donnez, ouais, vous me donnez des mots et j'ai les infos. Cool. J'ai une info sur le vaccin de la grippe. Ouais. Ok, il y a des gens qui veulent se faire vacciner, d'autres qui sont contre. Mm-hmm. Et il y en a qui ont peur de se faire vacciner contre la grippe parce qu'ils se disent ça va me donner la maladie. Bah oui, c'est ça. T'as une réaction souvent où effectivement t'es un peu malade quelques jours. Et ben non, en fait, parce que le vaccin qu'on te donne, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le vaccin ? Bah il y a le virus, quoi. J'ai l'impression d'avoir des enfants. C'est dans une cour d'école. Monsieur, moi. Oui, Isabelle. Et ben dedans, il y a le virus. Oui, mais c'est le virus mort. Ah. Non. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas te donner la maladie, il peut juste faire réagir ton organisme. Ah bah oui. Ah ouais. Ah bon ? C'est soit un virus mort, soit un tout petit bout du truc, mais en fait, ça peut pas te donner vraiment la grippe. Et quand tu ressens que t'as un peu de fièvre, c'est juste que ton corps, bah en fait, ça fonctionne. Il réagit au virus. Ah, c'est cool. Donc le vaccin fonctionne bien. Mais c'est un peu triste, on t'injecte un mort, quoi. Oh. Oh ouais, ça va. Ok, vaccinez-vous. C'est bon, parce que peut-être maintenant, elle a plus besoin de qu'on lui dise quoi que ce soit. Je m'autocensure maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, je voulais vous parler de ce truc-là. Aux États-Unis, dans l'État du Nebraska, un peu comme en France, vous savez, pour la pub, pour le tourisme, ils sortent toujours des slogans. Ouais. Et là-bas, aux États-Unis, le nouveau slogan touristique du Nebraska, c'est « Honnêtement, c'est pas pour tout le monde ». Ah ouais, c'est vrai ? C'est dingue ! C'est impressionnant. Ouais. Ça a le mérite d'être clair. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont dû se faire une réunion, les gars, et oui. Franchement, c'est pas pour tout le monde. Après, moi, je trouve ça un peu triste que ton slogan touristique peut aussi être dit, par exemple, du sexe anal. Oh, oh non, oh non. Mais non, oh, oui. Bah, si. Oui. Tiens, pourquoi tu penses à ça? Bah parce que comme ça. Elle était bien ton info. Ah, mais là elle est encore mieux parce que ça vous fait réfléchir. 6h38, les sondages du matin, c'est dans 3 minutes après David Guetta. I wanna like and we be honest. Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. Alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me? Don't you ever go? I've seen it on TV. I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me? Oh, face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me sur Énergie, 6h41. Soprano arrive pour vous. On va lire les messages aussi que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et on va écouter les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Mais avant ça, voici comme chaque jour les sondages du matin. Allez. Le lundi serait le jour de la semaine où cela nous arriverait le plus. D'après vous, de quoi il s'agit, Paulette ? Faire le tri dans ses amis Facebook. Ah non. T'as passé le week-end, tu les as vus, t'as fait oh, lui, alors, je le vois. Non, plus. C'est pas une action, ça nous arrive. D'accord. C'est pas quelque chose qu'on fait. Okay. Voilà. Et c'est positif ou négatif ? Positif. Ah. On arrive à l'heure au travail. C'est vrai que c'est positif, mais c'est pas ça. Faire l'amour. Alors là, on est carrément dans l'univers. Ah bon, mais ah c'est oui pas ça, avant de faire l'amour. Bah rencontrer quelqu'un. Tomber amoureux. Ah, le lundi serait le jour de la semaine où on tombe le plus amoureux. Ah, c'est beau, dingue. C'est beau. Bah, t'as eu le week-end, ça a pas marché, t'es un peu dépité. C'est triste vu comme ça. Ouais, je sais, ouais. Mais en ce moment, ma vie est assez triste. Pour une personne sur cinq, c'est l'endroit du corps où elle déteste être touchée. Quel est cet endroit du corps, Glandu ? Les narines. C'est dégueu, moi, ça me touche les narines. Je dis, c'est quoi là ? Non, mais c'est plus qu'une personne sur cinq. Qui va venir en dire vas-y, touche-moi les narines. Non, c'est un truc spécial quand même. Ok. C'est un truc un peu sexuel ou pas du tout ? Rien à voir avec le sexe, Nico, je suis désolé, tu reviens tout à l'heure. Sous les pieds. Sous les pieds, non. C'est le haut du corps ou le bas c'est du corps ? Le haut du corps. Dans le haut du sur corps. Le visage. Une personne sur cinq déteste être touchée à cet endroit-là, c'est pas le visage. Le cou ? C'est le cou. Ah, je déteste. Ah ouais ? Ah ouais ? Je déteste. Et même un souffle dans le cou, je peux mettre une baffe. Ah non. Oh ah, je déteste. Ça me, je sais pas, ça me fait des frissons, mais pas des frissons agréables. Forcément, après un souffle dans le cou, si le mec tu le connais pas, ça c'est tout le monde peut l'être. Ouais. Vous savez quoi ? Je suis peut-être pas comme les autres, mais moi je déteste quand quelqu'un me touche les seins. Non, c'est normal, Paulette. Quand quelqu'un que tu ne connais pas veut te toucher les seins, effectivement, tu as le droit de détester. Mais le cou, là, si je te touche le cou, ça va te. Ah, je déteste. Ne viens pas. Ok, je viens pas. Ouais. T'as pas dit Nico. Nico. Ah non, non, je déteste rien. Juste, vas-y, attends, bouge pas. Tu veux une petite baffe ? Lève la tête. Non, vas-y, lève la tête. Non, ça va pas du tout. Mais c'est la c'est moi. Elle va le taper. Mais... Ah, c'est vrai, t'es je déteste, ça me. Laissez-moi, on passe à autre chose. Mais ouais. C'est drôle, c'est hein. Génial. C'est j'ai l'impression d'avoir appuyé sur un bouton, quoi. Il déclenche la colère chez Paulette. Elle supporte pas les mains au cou. 42% des hommes aimeraient une fois dans leur vie aller à cet endroit précis. Quel est cet endroit ? Isabelle. Une soirée de filles. Non. C'est un endroit clos ou pas ? Non, c'est pas l'endroit clos. C'est vraiment un endroit, hein. C'est une place to be. C'est un restaurant ? C'est pas un restaurant. Il y en a peut-être d'ailleurs à cet endroit, des restaurants. C'est un pays ? C'est un... Non, c'est pas un pays. D'accord. Non, c'est beaucoup plus petit qu'un pays. C'est un endroit coquin ? C'est un endroit... Non, c'est pas coquin. Ah, c'est pas un club échangé. Ça, ça fait penser à ça, mais c'est pas coquin. Ah ouais ? Mais c'est beau, le paysage, tout ça, c'est joli. Alors là, vraiment, je suis jamais allé, moi, donc je peux pas te dire. Hein. Mais on y est nu ? Bah, on y est nu, ouais, bah en fait, c'est ça, c'est une plage naturiste. Ah, Ah ouais. Ah bah oui. 42% les hommes, quasiment un homme sur deux, ouais, aimerait une fois dans sa vie aller à une plage naturiste. Mmh. C'est vrai que t'as envie d'y aller juste pour voir quoi. Pour voir comment ça fait, juste pour voir ce que c'est. Mais toi t'as pas envie d'être naturiste. Mais t'as juste envie de regarder. Eh ben moi, pas spécialement. Ah ouais? Non, non, non, oh, non. Mais c'est la liberté du corps, hein. Oui, mais, ouais, mais c'est très bien, j'ai rien contre. Ouais. Hein. Ouais. Mais moi, je me... Tu veux pas. Mais non, parce qu'en plus, en fait, tu vois aussi... Alors, évidemment, toi, Nico, t'as le fantasme que des beaux corps et tout, ouais, ça, machin et tout. Ouais. Mais t'as aussi des corps un petit peu étranges. Oui, c'est vrai. Oui, mais t'es là, mais t'as pas envie de juger. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est délicat. Surtout si le étrange chez toi, quoi. Tu vois. C'est chiant. Effectivement. Bon, on enchaîne. 6h45. Soprano sur Énergie. Juste après, on lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et on écoute les messages vocaux que vous envoyez sur l'appli Manu dans le 6-9. C'est Nico qui s'en occupe. Il y a un homme qui veut te dire merci, Manu. Parce que t'as changé sa vie et celle de ses fesses. Oh, non. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Tu vas voir. Très bien. On voit ça dans 3 minutes. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï, laï, la la laï. À la vie, à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Sur Énergie, les 6h48 à 7h05, on va doubler votre salaire. Et attention, ouais, tout à l'heure à 8h05, on va aussi doubler votre salaire. Mm-hmm. Et juste après, je vais vous annoncer quelque chose. Ah oui, oh. À partir de 8h05, vous pourrez réaliser quelque chose. Nous allons doubler quelque chose, mais ce ne sera pas votre salaire. Mais qu'est-ce que ce sera? Voilà. Le mystère plane. Ouais, la réponse, ce sera tout à l'heure. Il faut bien être avec nous, ce sera 8h05. Ouais, okay. On va écouter les Maroon 5 tout de suite. Et avant ça, voici Nico qui lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et qui écoute tous les messages que vous, ouais, envoyez sur l'appli Manu dans le site. Vous pouvez nous envoyer des messages vocaux. Vendredi, Manu, t'as lu une liste des pires activités à faire nu. Oui. J'ai récupéré d'autres propositions qu'on nous a envoyées sur Facebook. Il y en avait pas mal. Vous nous dites. Sylvain, il nous dit de la corde à sauter. Ah, c'est compliqué. Ah, effectivement. Ouais. Il a fait baloum, baloum, baloum, baloum, ouais, baloum. Ouais. Charlotte aussi sur Facebook, elle dit promener son chien. Ouais, ah, bah oui, c'est dangereux s'il veut mordre un truc. Ouais, surtout dans un parc, c'est jamais très bien. Mais bien, c'est interdit. Hein. Voilà. Moi, ça m'a été avec mon chat, il avait voulu jouer avec. Un mec, il avait trouvé ça rigolo que ça pendouille et il avait voulu lui mettre un coup dedans. Ouais, c'est dangereux, attention. En plus, toi, ça pendouille pas beaucoup. Non, santé. Bon, une autre pire activité à faire nuit, il y a Lisa qui nous propose faire du ski. Bah, il fait froid. Le tire-fesse, j'ose même pas imaginer quoi. Calme-toi. Ouais. Dit faire du ski, pas prendre le tire-fesse. Bon, Ben nous dit aussi faire un pique-nique en famille. Ça se tient. Pique-nique en famille, tout nu, c'est cool. Non, et pour les miettes, je pense aux miettes. Et une dernière pire activité à faire nu, Clément nous dit sur Twitter sauter en parachute. Ah oui, le faites pas. Ça ne se fait pas. Non. Bon, tous les matins, on écoute les messages vocaux que vous nous laissez sur notre application Manu en 6-9 et on démarre avec quelqu'un qui veut te remercier personnellement, Manu, lui et ses fesses. Salut Manu, salut les Wawa. Alors Manu, je voulais te dire un grand merci parce que tu parles souvent du papier toilette 4 épaisseurs et tu dis que c'est génial. Et grâce à toi, et bah maintenant ma femme elle en achète. Alors bah mes fesses et moi, on voulait te dire merci. Bah écoute, ça me touche. Alors franchement, génial. Si je peux aider la France sur le PQ. Je suis ravi. Bon, maintenant, c'est un papa un peu vexé. Salut, c'est Jeff. L'autre jour, mon fils m'a dit « Papa, est-ce que t'as fait la Première Guerre mondiale ?» Donc, j'ai que 40 ans, donc je voulais savoir si ça y est, je suis officiellement vieux. Mais les enfants, ils n'ont pas la notion de l'histoire. C'est ça. Ma fille m'a déjà demandé si je connaissais, mais très sérieusement, Louis XIV. Ah ouais. Et du coup, je lui ai dit oui. Non, Manu. Et du coup, elle le dit à l'école. Mon papa a connu Louis XIV. Voilà. Elle doit avoir une très bonne moyenne en histoire. Hein. C'est pas la meilleure. Bon, on termine avec un message vocal de l'un d'entre vous qui est dans les bouchons en ce moment et qui, il me semble, est un petit peu tendu. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Je voulais savoir si vous aussi, vous aviez spontanément des idées malsaines. Moi, par exemple, là, je voudrais avoir un tank pour pouvoir rouler sur les voitures pour ne plus être pris dans les bouchons. Alors non, on n'a pas les mêmes idées. Il le dit trop normalement. C'est trop louche ce qu'il dit là. Fais attention, c'est mon conseil, range ton tank sur le côté et détends-toi, fais un petit massage. Ouais, ça. 6h51, n'hésitez pas à nous envoyer les messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. À 7h05, on double votre salaire et tout de suite c'est les Maroon 5. Bon réveil sur Énergie. You spent the weekend getting even, oh. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. I need a girl like you, yeah. 7h35, bienvenue sur Énergie. On va écouter Que Black, il y aura aussi Kygo qui arrive. Et à 7h05, on va doubler votre salaire pour la première fois de la matinée. Avant ça, quelques infos. J'ai une étude sur les choses qu'on oublie à l'épicerie. Les choses qu'on oublie de prendre. D'acheter. Et ben, le top des choses qu'on oublie de prendre à l'épicerie, dans l'ordre, sont le lait, le pain, les œufs, le papier toilette, le beurre, le fromage, le dentifrice et le sucre. Ok. Si tu oublies tout ça en une seule course, c'est compliqué. Mais en fait, honnêtement, autant passer simplement dans la rue devant l'épicerie. Parce que globalement, c'est tout ce qu'on achète à l'épicerie. Bah oui. Bon. Nous allons parler extraterrestres maintenant. Des chercheurs en Australie viennent de le confirmer. Ils ont capté, alors t'es peut-être au courant, Paulette, toi qui t'intéresses aux extraterrestres. Oui. Ils ont capté 19 messages mystérieux. Ah, ça me dit un truc. Il y a des sons qui ont été enregistrés. Alors, je sais pas. D'accord, bon bah voilà. j'étais au courant qu'il y avait des sons qui avaient été enregistrés, mais qu'ils ne les diffusaient pas encore. Alors, il y a 19 messages mystérieux en rafale, à une distance de nous de 120 millions d'années-lumière. Alors, ça paraît beaucoup, mais en réalité, a priori, d'après eux, c'est pas si loin que ça. Et d'après ces chercheurs, ces 19 messages seraient envoyés par une civilisation extraterrestre très avancée. D'accord. C'est dingue, attends, mais c'est sérieux. On les a décryptés parce que ça, j'ai pas lu la fin de l'article. Non, moi non plus, j'ai pas lu la fin de l'article. Non, mais je finirai, mais. Parce que je pense que c'est que des trucs gentils pour nous prévenir. C'est souvent sur l'écologie qu'ils nous préviennent. Je sais pas, écoute, depuis, que t'en par... depuis le temps que t'en parles, Paulette, franchement. De quoi ? Ils viennent te chercher. Allez, vite. Non, franchement, moi j'aimerais trop. Aujourd'hui, on a une journée mondiale, c'est la journée du bégaiement. Alors, il y a des becs célèbres. Par exemple, vous ne le saviez peut-être pas, mais Gérard Depardieu, eh ben, il est bègue. Ah ouais. Ouais. Enfin, il a été bègue. Il explique qu'il a été bègue pendant très longtemps et que ça lui arrive encore parfois aujourd'hui. Oui. Après, aujourd'hui, c'est compliqué de savoir si c'est un vrai bégaiement ou si c'est le vin. Oh non. J'adore. C'est le meilleur acteur qu'on ait, Depardieu. Ouais. Mais il a fait quand même un gros bras d'honneur à la modération. Pas se mentir. C'est vrai. Il a même fait plus. Je sais pas, il a beaucoup de bras. Il en a fait. Kygo, Imagine Dragons tout de suite sur LRG. I knew you. I never knew anybody till I knew you. I knew it. sur Énergie, 6h59. On revient dans une minute avec les infos. On va écouter que Black et on double votre salaire. Bienvenue sur Énergie. Pour bien démarrer la semaine, faut écouter Manu. C'est Manu dans le 6-9. Gagnez 10 000 euros dans le cash-cash sur Énergie avec Coé à 17h30. Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie, comment ça va? Je suis sous la pluie, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es sous la pluie? Ben, parce qu'à Nice, il pleut. Attention, ouverture de l'enveloppe. Oh là là. Quoi? J'ai pas gagné. Bénédicte, tu gagnes 10 000 euros. Ah, 10 000 euros, les amis! Ah, oh là là! 10 000 euros qu'on va vous envoyer dans quelques jours! Ah, génial! Oumi, ma chérie maman, a gagné 10 000 euros, t'es contente? Oui! Inscrivez-vous maintenant en envoyant Coé au 7-10-12. Besoin d'un coup de main? Non merci, je vais me débrouiller toute seule. Ah bon, pourtant monsieur bricolage, j'aimerais vous remercier. Me remercier de quoi? De votre fidélité, en vous offrant 15 euros en bon d'achat par tranche de 100 euros d'achat. 15 euros offerts? Mais c'est Noël! Où ça? Ah non, lui c'est Gaël. Salut Gaël! Jusqu'au 27 octobre seulement, faites des économies avec la carte Monsieur Bricolage et recevez 15 euros par tranche de 100 euros d'achat. Magasin participant sur monsieurbricolage.fr. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Feu vert sort ses griffes. Jusqu'au 27 octobre, 1 euro les plaquettes de frein Bosch et Valeo First. C'est imbattable. Offre soumise à la pause, voire conditions sur feuvert.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h01. Qu'on amène le coq. On va doubler votre salaire dans 3 minutes, juste après les infos. On va écouter Drake et Rossi Koblak. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Les vacances commencent plutôt bien dans le ciel pour tout le monde, excepté c'est vrai quelques gros nuages dans la moitié nord et quelques gouttes peut-être vers la région parisienne uniquement ce matin. La journée s'annonce ensoleillée. Cet après-midi, il fera beau partout comme pendant les deux ou trois prochains jours. Grosse dégradation en revanche prévue dès ce week-end avec une chute des températures. Ce lundi au max, il fera 16 degrés à Angers et à Reims, comptez 20 du côté de Toulon. Et justement, avis aux habitants et aux promeneurs du Var, évitez si possible de vous balader sur les plages du golfe de Saint-Tropez qui ont été souillées par des galettes de fioul provenant de la collision entre deux cargos. C'était au large de la Corse. Le piétinement rend le nettoyage beaucoup plus difficile sur le sable. Selon le préfet, il faudra sans doute des mois pour retrouver un littoral propre. Rendez-vous face à un juge pour enfants. L'ado de 15 ans qui a braqué sa prof en plein cours a été mis en examen hier pour violence aggravée. C'est lui qui a sorti une arme factice dans une classe de Créteil jeudi dernier. Les images, évidemment, ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant de nombreuses réactions. Au niveau politique, le gouvernement promet un plan d'action ambitieux contre les violences visant les enseignants. Dans l'actu aussi, cet autre plan d'envergure sur un sujet qui fait toujours autant débat, les transports. Le projet de loi sera débattu le mois prochain au Parlement, mais aujourd'hui en France, on dévoile plusieurs mesures dès ce matin. Il y a la fin des barrières de péage traditionnelles, les plaques des voitures seraient donc scannées grâce à des caméras lors de leur rentrée sur l'autoroute, de quoi fluidifier en principe le trafic. Il y a également un meilleur encadrement du covoiturage, une taxe sur les cartes grises ou encore la possibilité de descendre du bus quand on veut et plus uniquement aux arrêts. Emmanuel Macron au chevet des sinistrés, le président de la République passe la journée dans l'Aude, une semaine après les inondations qui ont coûté la vie à 14 personnes. 70 victimes ont aussi été blessées. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont tout perdu ou presque. Il va donc falloir reconstruire. Selon le dernier bilan officiel, il y en aurait pour plus de 200 millions d'euros. Un résultat marquant hier en Ligue 1 de football, la victoire de l'OM à Nice. Score final 1-0 pour les Marseillais qui ont bien préparé la Coupe d'Europe jeudi, mais aussi et surtout le Classico. Ce sera dimanche au stade Vélodrome face au PSG. Justement, Paris est toujours seul leader au classement après 10 journées de championnat. Lille est deuxième, Montpellier troisième. Qui sortira vivant de la 8e et dernière saison de Game of Thrones? Le secret est on ne peut mieux garder. Pour le découvrir, il faudra attendre la diffusion des 6 ultimes épisodes l'année prochaine. Tous les acteurs de la saga, tous les personnages, ceux qui ont été assassinés, égorgés, empoisonnés, émasculés et ceux qui ont résisté jusque-là, eh bien tous se sont retrouvés récemment pour enregistrer ensemble une émission réunion, un show très spécial qui pourrait être diffusé à la fin de la série. 7h04, c'est la fin de ce flash. On est le lundi 22 octobre, le début d'une belle semaine sur Énergie. Vous retrouvez comme d'habitude Manu dans le 6-9. Bon réveil, bonne matinée, bonne journée. Je ne me lasse pas d'avoir mon prénom chanté chaque matin. Bah ouais, c'est classe, attends. Ouais, oh, calme-toi, calme-toi. On est avec vous pour démarrer la journée. Je ne suis pas seul, tous les ouin-ouin du matin sont là, vous l'avez entendu, il y a Isabelle. Salut. Paulette est là aussi. Et oui, elle est là. Il y a Nico. Coucou. Il y a Glandu. Debout. On va s'écouter Que Black dans deux minutes, mais avant ça, vite. Il est déjà 7h05, c'est le moment de doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire et c'est gratuit, je vous le rappelle. Vous allez sur énergie.fr, il y a aussi l'application Manu dans le 6-9. On va appeler maintenant Émilie, elle habite Montjavoux, c'est dans l'Oise. Elle a 24 ans, elle touche 1 259 € chaque mois. Et Émilie, elle s'est inscrite. Et Émilie s'est dit, peut-être que ça peut m'arriver. Et Émilie s'est dit, oui, mais il y a tellement de gens qui s'inscrivent. Et ouais. Est-ce que j'aurai de la chance? Eh ben oui. Allô? Allô, Émilie? Oui. Émilie de Montjavoux dans l'Oise? C'est bien moi. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Tu sais qui c'est? Je m'en doute, là, vu à ta voix. Ok. Ah ouais. Émilie, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Oh punaise. C'est Manu sur Énergie! Eh ben oui! Ça y est, Émilie, c'est fait! Waouh! Tu touches 1 259 € chaque mois, ça va faire pour toi 2 518 €. Waouh, super! C'est génial! T'en reviens pas? Ah, grave! Et bah oui, et bah pourtant, tu vois, ça arrive. T'as pris ta chance, tu t'es peut-être dit que t'avais une chance sur 1 million, bah peut-être, mais cette chance, tu l'as prise. Et voilà, ce matin, Émilie, c'est à toi qu'on double le salaire, 2 518 €. Tu es réparatrice de téléphone portable. C'est ça. Ah. T'es un héros. Pour toute personne qui un jour a fait tomber un téléphone, par exemple, dans les toilettes, dans une piscine, qui s'est dit qu'elle avait tout perdu, que sa vie était partie là-dedans, et que sa vie ensuite est revenue grâce à Émilie. Eh bien, je peux te dire que pour nous tous, tu es un héros, Émilie. C'est à m'est arrivé une fois en vacances, j'ai fait tomber le téléphone portable dans la piscine. J'étais sûr que j'avais tout perdu. Le mec me l'a réparé. Ouais. Mais oh là là, Émilie. Bien sûr, t'avais essayé la technique du riz, de le mettre dans du riz, mais ça ne marche pas. C'est vrai que dans ces cas-là, t'es prêt à mettre un bon prix, quoi. T'es prêt à mettre de l'argent dans ces cas-là. Ouais. Mais d'ailleurs, le bon prix que t'es prêt à mettre, ils le savent. Ouais, c'est ça, on est d'accord, Émilie, là-dessus. Hein. Eh ben, en fait, t'as tout faux. Nous, c'est un diagnostic, il est gratuit. On fait ce qu'on peut. Si on y arrive, le client est super content. Si on n'y arrive pas, malheureusement, on ne pourra rien faire de plus. Oui, mais enfin, on fait notre max. Mais tu ne le fais pas gratuitement. Ah si. Alors, le diagnostic, oui, mais quand tu répares. Ah bah quand on fait une réparation, bien sûr que oui. Ah bah mais oui. Si ton téléphone, il est tombé dans l'eau, on ne fait rien du tout, on ne prend rien du tout. Sympa quand même. Bah non. Tu prends rien du tout, mais si tu le répares, tu vas prendre quelque chose. Ah bah oui. Oui, bien sûr que oui. Bah dans ces cas-là, si tu changes un écran, une batterie ou autre, là, on prend quelque chose. C'est ça le truc de réparer. Ouais. Émilie, est-ce que t'as une astuce pour pas casser justement son écran de téléphone? Ah, le protéger un maximum, le mieux c'est de mettre un petit verre trempé sur l'écran. Donc un petit verre trempé. Émilie, tu t'es cru dans Top Chef. Hein. Vous mettez une petite sauce barbecue dessus. Émilie, on te double ton salaire, 2 518 €, ça arrive très vite pour toi, on t'embrasse fort. Eh ben super, merci beaucoup, je vous écoute tous les matins, vous êtes géniaux. Merci à toi d'être là chaque matin. 7h08, on va s'écouter Que Black, et tout à l'heure à 8h05, c'est peut-être vous qu'on appellera pour doubler votre salaire, c'est tous les matins comme ça, 7h05 et 8h05 sur Énergie. Soyez les bienvenus, on démarre la journée ensemble, c'est lundi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe dans mes serpents, je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Mariage, mais je suis sonné. Sonné. Elle voudrait m'emprisonner ou peut-être m'empoisonner. Ah, entouré de traîtres, on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va trop vite pour moi, oui, Angela. N'en fais pas, genre. Angela. C'est love. Je pense qu'ils veulent m'atteindre. mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Et pour ce mariage, mais je suis sonné. Ma relation est sur la sellette, n'est-ce pas? Elle nous porte l'œil. Pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas que tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Elle me dit je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Et pour ce mariage mais je suis sonné. Bienvenue sur Énergie, il y a Drake qui arrive, on va écouter aussi le dernier Calvin Harris. Et avant ça, nous allons parler des choses qu'on a faites enfant et c'est pas bien de les avoir faites. Ah oui. J'ai trouvé sur internet une liste de choses qu'on a fait enfant et qui sont pas bien. Ouais. Mm-hmm. Soyons honnêtes, on dit si on l'a déjà fait. D'accord. Jeter son chat en l'air pour vérifier s'il retombe sur ses pattes. Oh. Ah non. Non mais attends, quand on est enfant, honnêtement, mais je l'ai fait. Hein. De quoi? Non. Mais tu prends un chat, non mais j'ai pas dit que tu le lances à 10 mètres. Mais, non. Mais tu le laisses tomber pour savoir s'il retombe sur ses pattes. Ouais. Quand t'es enfant, vous l'avez jamais fait, honnêtement? Moi, je l'ai fait, ouais. Et heureusement, il retombe sur ses pattes. Oh, ouais. Mais je l'ai pas jeté très haut en l'air. Mais non, quoi. Mais tu le jettes pas dedans, mais on t'a dit, un chat retombe toujours sur ses pattes. Ouais. Quand t'as 8 ans, tu laisses tomber le chat pour voir, quoi. Ouais, moi, mon copain, il faisait ça tout le temps, mais ça leur faisait pas mal, parce qu'ils sont assez élastiques, les petits minous, hein, quand même. Non, ça fait pas mal au chat, ouais, je crois. Ça, bon, c'est n'importe c'est, quoi. C'est pas agréable, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est un petit animal, il est tranquille, là, tu le prends, tu le jettes. Ah, mais tiens, t'es retombé sur tes pattes, t'as envie qu'on te fasse ça, toi? Mais non, mais je parle quand t'es enfant. Oui, bah, c'est pas bien, c'est comme les lézards, les gens qui coupaient la queue, je voyais ça quand j'étais petite. Alors là, t'as des amis chelous. Hein. Non, mais parce que ça repousse. J'ai trouvé une liste des choses pas bien que l'on a fait enfant. Enfermer un camarade de classe dans les toilettes. Ah ouais. Ah ouais. Tu le fais pour rigoler, mais ça c'est drôle jusqu'au jour où c'est toi qu'on enferme dans les toilettes. Exactement. Parce que ça t'arrive au bout d'un moment. Et qu'on oublie. Ouais. Ah, on t'a oublié ou là? Oui, tu deviens l'enfant des toilettes. Quand on ferme dans les toilettes, que t'entends du bruit et que t'entends toutes les portes se refermer et qu'il n'y a plus personne et que t'es tout seul dans les toilettes. Je peux dire que c'est l'angoisse. Oh, ouais. Non, c'est 4 ans j'ai vécu comme ça. Les choses pas bien qu'on a fait quand on était enfant, accuser quelqu'un à notre place. Bon, bah ça marche toujours, ouais, même adulte. Hein, ouais. Mais ça, c'est un truc de grand frère. Moi. Mon grand frère, il faisait ça tout le temps. Quoi. Ça marche pas quand t'es le dernier de la famille. Ah si, moi, c'est ce que je faisais. Sérieux? Ah, je faisais accuser mon grand frère, justement. Ah, putain, moi, c'était toujours l'inverse. Il était plus grand que moi, sinon, il me tapait. Quoi. Ah, et moi aussi. Oh. Ah ouais? Ah oui, oui. Ah, c'est ce lycée, ouais, tu t'en foutais, quoi. Non, c'est qu'à un moment, tu sais, tu prends des coups. Hein. Oh. Je te rappelle que je suis l'enfant des toilettes. Hein, c'est vrai. Dans les choses pas bien qu'on a fait enfant, il y a aussi faire pipi sur une limace. Alors ça, je ne connaissais pas. Non, j'ai jamais fait. Non, moi, j'ai pas fait pipi, mais j'avais collé une limace sur le rétroviseur de la voiture, enfin sur le pare-brise, pardon, de la voiture, parce que ça a des ventouses, ça s'accroche très fort les petites limaces, et je voulais voir si elle allait tenir le coup sur l'autoroute. Oh, et en fait, elle s'est envolée. Ouais. Oh la vache. C'est quoi, c'est... Et tu sais quoi, la limace, quand elle est partie avec le vent, elle a fait mais quelle conne. Mais j'étais petite, hein. J'étais très petite. Mais oui, mais quand on est enfant, voilà, on expérimente des choses. Ce sont des choses pas bien, je vous annonçais, qu'on a fait quand on était en vacances. Une petite dernière, dire à son petit frère ou sa petite sœur qu'elle a été adoptée. Je pense que là, tous les frères et toutes les sœurs l'ont fait, ce truc-là. Toi, tu dis c'était la fille du facteur. Moi, je disais ça à ma sœur. Et là, elle comprenait pas, non? Non, elle ne captait pas. Jusqu'au jour où le facteur est arrivé en disant « Je suis ton père ». Vous savez quoi? Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Qu'est-ce que votre petit frère, votre petite sœur, votre grand frère, votre grande sœur vous a fait le pire dans votre vie? Quel est le truc où vous vous en souvenez tellement c'était pas bien? 0870 42 48, n'hésitez pas à nous appeler. Là, c'est Drake et ça arrive dans 3 minutes sur Énergie. Bon réveil! Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu. Et les ouin ouin ouin. Energy. dance music only. Panique. Manu dans le 6-9 est de retour. Oui, ça fait peur. Ah, oui. 7h18, on va écouter Drake dans 2 minutes, mais avant ça, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. C'est parti, comme chaque matin, Georges, notre intelligence artificielle, entre parenthèses, la plus embarrassante de France, oui. Appelle des gens pour leur dire des choses. Pour leur dire, par exemple, qu'ils s'habillent mal. Aïe. Ah bah c'est vexant. Écoutez. Oui, allô ? Bonjour. Ceci est un message automatique. Oui, je vous écoute. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir. Oui. Votre look n'est vraiment pas au point. Mon look n'est pas au point. Ah, écoutez, moi j'étais dans la mode pendant 30 ans. Alors mon look est celui qu'il est et s'il ne plaît pas, c'est pas grave. Que dirait Christina Cordula si elle vous voyait? Mais je ne sais pas qui est Christina Cordula, je m'en fous totalement. J'ai assez travaillé dans la mode, madame, pendant 40 ans. Je crois que vous vous trompez de numéro, hein. Il existe plusieurs solutions pour que vous soyez enfin présentable. Vous savez, moi j'ai dessiné pendant 30 ans des collections et j'ai eu un succès fou. Votre garde-robe ressemble à la collection Automne-Hiver de Bozo le Clown. Au revoir, madame. Peut-être, je dis bien peut-être que parfois Georges va un peu trop loin. L'appel automatique de Georges, Manu dans le 6-9. Vous les retrouvez tous en podcast, c'est sur manudansle69.com ou l'application Manu dans le 6-9. Juste après Drake, on parle des choses que notre frère ou notre sœur nous a fait de pire quand on était enfant. C'est dans 3 minutes sur Energy. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. Down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like kissing in a way, kissing in a way. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe, code to the safe. I show them how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Bienvenue sur Énergie, il est 7h22, on est avec vous pour démarrer cette journée, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui démarre et on en profite. Tout à fait. On parle de ce que nos frères, nos petits frères, nos grands frères, nos petites sœurs, nos grandes sœurs nous ont fait le pire quand on était enfant. Ouais. 0870 42 48, Audrey bonjour. Oui, salut Manu, salut les wouah. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'étais petite? Tiens-toi bien, un jour, mon grand frère, il m'a piqué mon doudou naissance Zaza pour jouer au foot avec ses potes et ils m'ont décapité, mon Zaza. Oh, il a décapité ton doudou en jouant au foot avec. Mon doudou naissance, tu te rends compte, j'avais 5 ans, quoi. Mon frère a fait pareil avec mon poisson rouge. Non, au foot. Non, c'est pas vrai, Non, mais alors, dans le même style, mon frère, il prenait mon poisson rouge pour faire du chantage. C'est-à-dire que s'il voulait que je fasse quelque chose pour lui, il allait prendre dans mon aquarium mon poisson rouge, il le sortait, il disait alors tu le fais, alors tu le fais. C'est pas bien. Ah oui, c'est pas bien. Hein. Ouais. Ça m'a traumatisé, j'en parle encore aujourd'hui, docteur. Merci beaucoup. Eh ben oui, tu vois. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Audrey. Qu'est-ce que votre frère, votre sœur vous a fait le pire quand vous étiez enfant glandu? Moi, c'est ma grande sœur. Elle m'avait demandé de jouer à cache-cache avec elle et ses copines. Et je suis sorti de ma cachette, genre au bout de plus d'une heure. Et t'avais quel âge? J'avais 5 ans. 5 ans, et elle en avait 7 ou 8. Okay. Et là, je suis sorti de ma cachette au bout d'une heure, et elles étaient toutes devant la télé avec ses copines en train de regarder une série. Et en fait, elle voulait être tranquille, et du coup, elle m'avait fait jouer à cache-cache alors qu'elle voulait pas y jouer, quoi. Et ben, tu vois, ça continue encore quand on me dit qu'on est au resto, tu sais. C'est pas gentil. Qu'est-ce que votre frère, votre sœur vous a fait de pire quand vous étiez petit? Aurore, bonjour. Bonjour Manu, salut les ouin-ouin. Alors moi, c'était genre, on était en pique-nique avec mes parents, ils ont demandé à mon grand frère de me préparer mon sandwich. Et bien sûr, j'avais demandé un sandwich au pâté, et il m'avait mis de la pâté pour chat dedans, quoi. Non. Et tu l'as mangé? Bah oui, la moitié, quoi. Et ma maman, elle m'en a aperçu quand j'étais à la moitié du sandwich, quoi. Et c'est depuis ce jour-là qu'Aurore mange des croquettes. C'est ça. Des croquettes avec du lait le matin, c'est génial. Et que régulièrement, Aurore ramène à son copain une souris. Voilà, c'est ça. Bah, petit cadeau, hein. Petit cadeau, parce que je l'aime bien. Voilà, il y en a, ils deviennent Spider-Man. Et l'autre, bon, il mange des souris. Et voilà, il mange des souris ou de la pâté pour chat, quoi. Merci, Aurore, de nous avoir appelé. Qu'est-ce que votre sœur, votre frère vous a fait de pire quand vous étiez petit, Paulette? Le jour de la mort de Tiki. R.I.P. Tiki, c'était ma gerbille. Elle était trop une mignonne. Une gerbille. Une gerbille. D'accord. C'est entre l'écureuil et la souris. D'accord. Extrêmement mignon. T'avais ça chez toi? Évidemment. D'accord. Oui, mais ouais. J'ai eu Tiki. Ma sœur a trouvé ça marrant, le jour de la mort, de dire à table le soir, elle est délicieuse Tiki, alors qu'on mangeait un bœuf bourguignon. Non mais t'imagines, ça m'a traumatisée, réellement. Ouais. Ça se trouve, c'était Tiki. Mais arrête! Et du coup, t'es devenue végétarienne suite à ça? Mais c'est ça. Pas tout de suite, quoi. Ouais, moi, je pense comme glandu, tout vient de là, tout vient de Tiki. Toute l'histoire de Paulette avec ce. Oh, mais alors, excuse-moi, si tout vient de là, Tiki, elle s'en foutait un peu vu qu'elle est végétarienne un jour sur deux. C'est pas bon. Solène, bonjour! Et salut! Qu'est-ce qui t'est arrivé quand t'étais petite, Solène, avec ton frère ou ta sœur? Moi, j'étais avec mon grand frère de 15 ans.

Manu dans le 6-9. Dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 7h30, on est à l'heure, je ne sais pas comment ça se fait. Wow. On va écouter Calvin Harris et on joue au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots, ça va se passer dans même pas 10 minutes, vous nous appelez au 0870 42 48, on vous offre la console de jeu de votre choix. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Seul ombre au tableau ce lundi, ces nuages, ces petites gouttes attendues dans un large quart nord-est dans la matinée uniquement. Cet après-midi, ça ira déjà beaucoup mieux dans la zone avec le retour des éclaircies. Sinon, il fera beau dans les autres régions. Beaucoup de soleil jusqu'à ce soir. D'ailleurs, la tendance est assez bonne au niveau national jusqu'au week-end prochain. Les températures max pour cet après-midi comptaient 15 degrés à Metz, 17 au Mans, jusqu'à 18 pour Montauban. Braquer son prof en plein cours, même avec une arme factice, c'est grave. L'ado de 15 ans filmé dans sa classe à Créteil la semaine dernière va très vite s'en rendre compte. Il a été mis en examen hier avec un rendez-vous fixé dans peu de temps devant un juge pour enfants. Le ministre de l'Éducation promet un plan ambitieux contre les violences visant les enseignants. Dans l'actu également, le nombre d'agressions homophobes qui semblent augmenter en région parisienne. En tout cas, ces dernières semaines, il y a eu plusieurs agressions très violentes en plein cœur de la capitale. 3000 personnes ont donc manifesté hier pour dénoncer l'homophobie dans le pays. Grosse pensée maintenant pour les habitants de l'Aude, tous ceux qui ont été sinistrés après les inondations de la semaine dernière. Justement, Emmanuel Macron se rend sur place aujourd'hui. Le président vient pour soutenir les victimes, mais aussi parler de la reconstruction. Il en a pour plus de 200 millions d'euros, selon le dernier bilan officiel. On passe au foot, semaine décisive pour l'OM, qui s'est imposé à Nice 1-0 en championnat hier. Jeudi, il y aura la réception de la Lazio de Rome en Coupe d'Europe, avant le Classico dimanche au Vélodrome face au PSG. Dans les autres résultats de championnat hier, Saint-Etienne et Rennes se sont quittés sur un nul un partout. Montpellier, troisième au classement derrière Lille et Paris, s'est imposé 2-0 face à Bordeaux. Changement de décor dans la quatrième saison du Bureau des Légendes. À partir de ce soir sur Canal, les agents secrets débarquent en Russie pour de nouvelles aventures. Au programme du contre-terrorisme, des histoires d'amour, mais aussi la chasse aux cybercriminels. Artus fait partie du casting une nouvelle fois. C'est une des rares séries, justement, où plus ça avance dans le temps, plus ça s'améliore. En plus, le fait qu'on soit dans un nouvel univers, qu'on quitte un peu les pays arabes, tous ces décors-là qu'on a beaucoup connus dans les saisons précédentes, voilà, je trouve que ça enrichit vachement la série et je trouve ça très cool. La cyberattaque et les cerveaux comme ça, on le sait que c'est la cible, on sait que la guerre, elle se gagne là aujourd'hui. Je pense que sinon, les Russes, les Américains et les Européens se battraient pas autant pour avoir les plus gros geeks de la planète, voilà. Donc, tous ces mecs-là qui, à l'époque, jouaient à l'ordinateur, on leur prêtait un peu une image de gars qui a aucun avenir. Là, clairement, c'est un peu les plus recherchés dans le monde, donc c'est fou. Voilà, Artus, mais aussi Mathieu Kassovitz a retrouvé dès ce soir sur Canal pour la saison 4 du Bureau des Légendes. Une adaptation américaine est déjà en cours de préparation. 7h33, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée sur Énergie. On est le lundi 22 octobre, c'est le début d'une belle semaine avec Manu dans le 6-9. Donc, et nous, on se redonne rendez-vous dans une petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. Je commence vraiment à le maîtriser, ce bonjour. C'est bien, Manu. Et bonjour. Bravo. Et bonjour. Bonjour. Je pense pas que 3h30 d'émission comme ça, ce serait top. J'y crois pas. Je le fais qu'une fois, c'est bon. D'accord. Kevin Harris arrive pour vous dans 2 minutes. On écoutera aussi Maître Gims. Le pire. Le pire. Oh, vous savez quoi? On va s'écouter un petit montage de Le Pire. Ah, cool. Avant d'écouter Maître Gims, des fois je me dis que je lance des trucs que j'aurais peut-être pas dû. Là, c'est le cas, par exemple. J'ai dit, tiens, on sait tous imiter Le Pire de Maître Gims. Le pire! Et du coup, sur l'application Manu dans le 6-9, ce ne sont pas des centaines, mais des milliers de messages avec juste marqué Le Pire qui sont arrivés. Je suis très inquiet, je faisais mes courses ce week-end et il y a des gens qui faisaient Le Pire dans les rayons. Donc, parfait. Fais gaffe quand même. Hein. Lançons la grande mode de Le Pire. Un très bel hommage à Maître Gims. Ah ouais. Et bien écoutez, voici le meilleur des messages qui sont arrivés ce week-end sur l'application Manu dans le 6-9. Une minute de Le Pire. Oh, wow. Le Pire. Hey Manu, c'est pour toi, tu l'attendais. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Maintenant, on le fait à 4 voix. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Alors Manu, le finir. Wow. Je trouve ça génial et encore plus génial quand ça s'arrête. Ah ouais. Mais vous continuez, envoyez vos messages vocaux sur l'application Manu dans le système. Vous faites le pire comme vous le voulez et on fait un petit montage. Vivement demain. Ah ouais. Maître Gims en concert, on va plus l'entendre quand il dira le pire tellement les gens vont chanter dessus. Et bien attention, il sera certainement au Energy Music Awards. On va certainement le recevoir. On va faire une émission spéciale le 10 novembre entre 10h et midi. On lui fera écouter. Ah bah oui, obligé. Alors avec plaisir, il va se lever, il va partir, il reviendra plus. Dans 3 minutes, on joue ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Ça arrive juste après Calvin Harris sur Energy. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love. So tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Régale à chaque fois. Maître Gims, ça arrive pour vous dans 3 minutes, mais avant ça, nous allons jouer au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. Alex, bonjour à toi. Salut Manu, salut Wawa, et le pire. Le pire. Ah, tout en cœur, c'est génial, j'adore. Alors attention Alex, tu es là parce que tu as envie de gagner une console, pas n'importe laquelle, celle de ton choix, celle de tes rêves, c'est laquelle? La Nintendo Switch, Manu. Elle arrive pour toi, la Nintendo Switch, dans une minute, si tu gagnes au jeu des 5 mots. Et pour te faire gagner, c'est Isabelle qui va sortir le studio ce matin. Je suis trop contente. Attention. Ouais, j'y vais. Je compte sur toi, Isabelle. Ouais, t'inquiète. Il faut qu'il y aille, hein, bon. Attention, Isabelle sort du studio, elle est dans le couloir, elle entend plus ce qui se passe. Alex, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, Isabelle revient, je fais pareil avec elle. Et dès que vous avez un mot en commun, c'est gagné. À toi la Nintendo Switch. T'es prêt? Je suis prêt. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Oiseau. Ciel. Crème. Pâtissière. Orage. Pluie. Tension. Électricité. Réveil. Matin. Oh. Rapide, efficace. Ah ouais, ouais. C'est ainsi que l'on appelle Alex. Attention. C'est la même. Isabelle, reviens dans le studio. Si vous avez un mot en commun, ouais, eh ben c'est gagné. Il suffit d'un seul mot. Attention, ouais. Isabelle est de retour. Déconne pas, Isabelle. Hyper concentrée. T'es prête? Ouais. C'est parti. Pour Alex, pour sa Nintendo Switch. Oui. Et pour sa famille, tu n'étais pas là, mais il nous a dit qu'effectivement, ouais, sans cette console, sa famille risquerait de le déchoir de oh tout. Non. Et de... Je pense que ça me virait de la maison, à mon avis, si j'avais. Exactement. Okay. Au top de ma concentration. C'est parti. T'as intérêt, hein. On joue. Alex, alors, je ne suis pas le meilleur manager du monde, mais peut-être qu'un mot d'encouragement serait mieux que t'as intérêt. T'inquiète. Allez, Isabelle, je crois en toi. Ouais. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Oiseau. Graine. Alex avait dit ciel. Ah oui. Eh oui, la bouffe. Hein. On continue. Crème. Solaire. Ah non, alors là, pour le coup, la bouffe, c'était Alex, il a dit crème pâtissière. Ah mince. Ouais. Il reste 3 mots. Orage. Éclair. Ah, dommage. Alex avait dit pluie. Allez. 2 mots. Ah. 2 mots pour la Nintendo Switch. Tension. Conflit. Alex avait dit électricité. Ah oh, purée. Oh là là. Aïe aïe aïe. Un mot. On l'a déjà vécu. Le mot, le dernier mot, ça gagne là-dessus. Ouais. Allez. C'est allez, pas impossible. Réveil. Matin. Oui. Oui. Ah bah moi aussi, Isabelle, je m'attends mieux. La Nintendo Switch, elle arrive très vite pour toi, bravo à toi. Merci Isabelle, tu es la meilleure. Ah, oh, t'es chouette. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci. Bon, par contre, je viens de crier dans la galerie, j'ai l'agent de sécurité qui me regarde bizarre, je vais peut-être rentrer tranquillement dans mon bar là. tu travailles dans un bar, Alex? Ouais, je suis en train de sortir ma terrasse là, et après le cri, il m'a regardé un peu bizarre, donc... Démerde-toi, si on te demande, tu jouais sur France Inter, voilà. Alex, bravo à toi, la Nintendo Switch arrive très vite, on te souhaite une belle journée. Merci, bonne émission à vous, et à bientôt, ciao, ciao. Ciao, ciao, 7h43. Bon, si je peux dire ciao, ciao. Ciao, ciao. Maître Gims, tout de suite, et juste après, attention, nous allons parler d'une étude. Oui. Mm-hmm. Une étude scientifique qui a été réalisée par Nico et moi. Ah ouais, la grosse étude. Sur des gestes de femmes. C'est sérieux, hein. C'est une vraie étude qu'on a faite tous les deux. D'accord. Et on est arrivé à une conclusion assez intéressante sur des gestes que vous pouvez faire mais qu'on interprète mal et vice versa. Ah. D'accord. Cette étude, elle est gratuite, on l'a faite pour vous. On vous en parle dans 2 minutes, juste après Maître Gims sur NRJ. Bon réveil. Le pire. Le pire, c'est pas la méchance des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans les ans. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge des sens. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer. profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. 7h47, bienvenue sur Énergie. On va écouter Georges Ezra dans 3 minutes. Et avant ça, je vous ai promis le résultat d'une étude. Oui. La voici. C'est une étude que nous avons menée avec Nico. Ouais. Tout à fait. Mm-hmm. On s'est aperçu d'un truc. Il y a des gestes que font les femmes qui, pour un homme, sont des gestes ambigus. Ouais. Alors qu'en fait, selon les femmes avec qui on a testé l'étude, ouais. En fait, pas du tout. Ouais. C'est, mais, alors, exemple Nico. Par exemple, quand une fille boit au goulot directement après un homme, sans essuyer la bouteille. Pour nous, c'est ambigu. Bah oui, de ouf. Ah. Elle boit, donc elle change de salive. Pour vous, ça a un rapport avec le fait donc, de se rouler, par exemple, une pelle, quoi. C'est pareil pour vous. Exactement. C'est s'embrasser par bouteille interposée. C'est ça. Mais pour moi, elle a juste confiance en toi. Elle sait que voilà, t'as pas de peut-être de maladie à lui refiler. Ok. C'est tout. C'est exactement le sujet de notre étude. C'est ça. Autre exemple. Ouais. Par SMS, ouais. Sur Messenger, une fille t'envoie pour te faire un petit bisou. Vous connaissez l'émoticône bisou? Oui. Ouais. Il y en a deux. Il y a l'émoticône bisou et l'émoticône bisou avec un cœur. Ouais. Pour moi, quand l'émoticône bisou avec un cœur, ça veut dire cœur amour. Bah forcément. Et ben voilà. Ah oui. Cœur, c'est je t'adore. Ouais. Oh non. C'est juste un cœur à la limite. Tu peux commencer à te poser des questions. Mais émoticône cœur bisou, c'est pas ça. Ben voilà, vous avez compris le principe. Ouais. Le principe de notre étude, quoi. Ouais. C'est marrant parce que moi, il m'est arrivé un truc dans le genre. J'étais au supermarché, je faisais mes courses. Je cherchais du basilic. Non mec... si... Attends, tu vas voir. Mais attends. Tu cherchais du basilic. Oh, mon Dieu. J'adore les histoires d'Isabelle. Il y avait un autre mec à côté de moi qui cherchait aussi du basilic. On n'en a pas trouvé. Bref, nos chemins se séparent, on fait nos courses et bim, moi j'en trouve. Donc je le recherche dans tout le magasin. Je retrouve le mec et je lui en donne un bouquet, tu vois. Mmh. Et il me regarde et en fait, il a cru que je le draguais. Mais bah vraiment. Oui. Alors que pas du tout. Je trouvais ça juste sympa, bah, comme il en cherchait. Une nana dans ton supermarché qui revient te chercher un truc que tu cherches, elle te le ramène. Oui, c'est ambigu. Ouais, c'est que t'avais envie de le revoir, quoi. Ouais. Absolument. C'était juste gentil. T'avais envie de faire un potager avec lui, c'est cool. Mais tu sais, la nuit, j'étais ultra gênée, hein, sans déconner. Hein. Vraiment. Je propose que nous développions encore cette petite étude. Glandu. Et moi, il y a un truc ambigu pour moi, c'est quand une fille monte avec moi sur mon scooter et qu'elle se tient à ma taille plutôt qu'au poignet de derrière. Bah oui. Tu sais, t'as le choix, elle a le choix. Et ambigu. Le choix qu'elle fait, la taille. Ouais. Bah c'est ambigu. Ambigu de ouf. Ça, j'avoue que ça peut être un peu ambigu. Parce que moi, quand j'aime pas du tout un mec, je mets les mains derrière, je m'accroche derrière. Donc toi, tu montes à moto avec des gens que t'aimes pas. Okay. Non, mais pas que j'aime pas, avec qui j'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit. Quoi. Véronique est avec nous au téléphone. Bonjour Véronique. Salut tout le monde. Salut. Merci d'être là, Véronique, et de participer à cette grande étude où pour nous, certains trucs sont ambigus et pour vous, pas du tout. On t'écoute. Alors voilà, bah moi j'étais dans le train et j'ai ouvert un paquet de granola et comme j'ai pas fait ma chacal. Attends, après, Véronique, si je peux. Alors je sais que c'est une autre étude qui va être développée là, mais quand même, c'est marrant ce truc que vous avez. C'est un truc de fille aussi. De vous êtes obligée toujours de donner le détail qui ne sert à rien. Non mais c'est marrant, Isabelle, elle dit je cherchais du basilic. Et Véronique, elle veut dire, alors elle ne peut pas dire j'ai ouvert un biscuit, non, j'ai ouvert un biscuit de granola. C'est marrant ce souci du détail. Non mais c'est pour te dire que granola, franchement, si voilà, pour la suite tu comprendras après. D'accord. Voilà. Donc en fait, tu me laisses expliquer quand même. Bien sûr. Ça va alors. Alors non, donc, j'ouvre mon paquet de granola, bip, la pub, ok, je suis désolée. Et donc j'en propose à l'homme qui était à côté de moi. Et là il me regarde et puis il me dit désolée, je suis mariée. Non mais effectivement, il a cru non, que mais c'était. Mais là tu es resté scotché. Mais alors attends, Véronique. Quelle est l'importance des granolas dans cette histoire? Ben parce que le granola, qui peut dire non à un granola? Ok. Ouais. Merci de nous avoir appelé, Véronique. Il y a Georges qui est là. Bonjour, Georges. Salut Manu, salut toute l'équipe. Georges, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben moi, à la piscine, une fille m'a dit que mon moyen de bien était sympa. Oula, pardon, t'as entendu ou pas? On t'a pas entendu. Que ton, une fille t'a dit que ton maillot de bain était sympa. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est ambigu ou pas? Forcément. Ben, ça dépend si le maillot de bain est très original. Par exemple, si c'est un maillot de bain en forme d'éléphant, des choses comme ça. On peut dire que. Non, mais on peut dire. Mais attends, tu connais quelqu'un qui a un maillot de bain? Alors, j'ai déjà vu à la piscine des gens avec des maillots de bain très originaux, avec des dessins dessus un peu rigolos. Donc là, tu vas le voir, tu lui dis que c'est sympa. Bon. Mais bien sûr, c'est ambigu. Parce qu'en vrai, mets-toi à la place, si nous on dit ça à une fille, c'est évident que c'est ambigu. Eh ouais. Donc moi, je pense que c'est ambigu dans mais les deux non, sens. Mais on pense pas comme vous, les gars, en fait. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous voyez tout, tout est ambigu. Mais moi, j'oserais jamais dire une fille, ton maillot de bain est beau. Hein. Bah ouais. Ah bon, bah, pourtant, on le prendrait très bien. Bah ouais, ça lui ferait plaisir, mais bien sûr. Vraiment. Quelqu'un que vous connaissez pas qui vous dit votre maillot de bain est beau? Oui, mais après, il faut pouvoir rentrer dans le détail. Genre, j'adore la matière, tu l'as acheté où et tout ça. Si le mec arrive vers toi en disant ton maillot de bain est beau et qu'il bave, là, c'est pas ambigu, c'est dangereux. Merci de nous avoir appelé, Georges. Belle journée à toi. Merci, salut. Ciao. 7h52, Georges Ezra sur Énergie. À 8h05, on double votre salaire et je vais vous faire une belle annonce juste après 8h05. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. 7h55, dans 10 minutes pile, on va doubler votre salaire. Ça va se passer à 8h05. Oui, 7h55 plus 10 minutes, 8h05. Waouh! Wow. Calmez-vous, calmez-vous. Je sais que le CNRS m'appelle pour faire des recherches. On va s'écouter Alvaro Soler. Il y aura David Guetta. Et juste après 8h05, juste après vous avoir doublé votre salaire, je vais doubler autre chose. Qu'est-ce que je vais vous doubler? Eh bien, restez bien là. La réponse dans 10 minutes. Manu dans 6-9. Tous les matins sur Énergie. Vous êtes invité au concert de 5 Seconds of Summer en Espagne avec Énergie. Hi, this is 5 Seconds of Summer. Vous pourrez même assister aux répétitions et rencontrer le groupe. Écoutez, Energy. Une place se gagne cette semaine avec Koé à 17h. 17h sur Énergie. Energy, hit music only. Amis,

doubler votre salaire dans 3 minutes. On va écouter Alvaro Soler avec La Cintura. Ça arrive juste après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Les vacances commencent plutôt bien dans le ciel pour tout le monde, excepté quelques gros nuages dans la moitié nord, quelques gouttes de pluie aussi vers la région parisienne. Ce matin uniquement, la journée s'annonce ensoleillée. Cet après-midi, il fera beau partout comme pendant les deux ou trois prochains jours. Grosse dégradation prévue dès ce week-end avec une chute des températures. Ce lundi, au max, il fera 16 degrés à Angers, à Reims, comptez 20 à Toulon. Et puisqu'on parle du Var, les autorités sont assez claires. Le nettoyage des plages autour de Saint-Tropez va prendre du temps. Il faudra des mois pour faire disparaître les galettes de fioul qui se sont déposées sur le sable et les rochers après la collision entre deux cargos au large de la Corse. Il faut éviter à tout prix la zone jusqu'à nouvel ordre. L'image est choquante, celle de cette prof braquée en plein cours par un élève jeudi dernier. L'ado de 15 ans qui a sorti son arme factice dans un lycée de Créteil sera bien poursuivi en justice. Il a été mis en examen hier avant d'être relâché. Il comparaîtra plus tard devant un juge pour enfants. Le gouvernement mais également un plan d'action ambitieux contre les violences visant les enseignants. Dans l'actu aussi, le journal Aujourd'hui en France dévoile ce matin plusieurs mesures du projet de loi sur les transports. Le texte sera débattu le mois prochain au Parlement, notamment une proposition forte, la fin des barrières de péage traditionnelles. Les plaques des voitures seraient alors scannées grâce à des caméras lors de leur entrée sur l'autoroute, de quoi en principe fluidifier le trafic. Il y a également un meilleur encadrement du covoiturage, une taxe sur les cartes grises ou encore la possibilité de descendre du bus quand on veut et plus uniquement aux arrêts. C'était il y a une semaine, très précisément, des intempéries monstres provoquaient de graves inondations dans le département de l'Aude. Emmanuel Macron passera la journée sur place avec les nombreux sinistrés. 14 personnes sont mortes, plus de 70 ont été blessées à cause des crues, sans oublier les centaines d'habitations et d'habitants qui ont tout perdu ou presque. Il y en a pour plus de 200 millions d'euros de dégâts matériels, selon la dernière estimation officielle. Le foot, l'OM a bien préparé le Classico programmé le week-end prochain. Marseille a gagné à l'extérieur hier en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Victoire 1-0 à Nice avant de recevoir le PSG. Au classement, Paris reste seul leader devant Lille et Montpellier. Retour des Coupes d'Europe cette semaine. Ils sont nommés tous les quatre aux Energy Music Awards. Big Flo et Oli, tout d'abord. Les deux frangins toulousains s'apprêtent à sortir leur nouvel album. Ils viennent de dévoiler la liste des chansons de La Vie de Rêve. 15 titres dont en duo avec Black M et Soprano. Sinon, Maître Gims et Vianney ont tweeté quasiment en même temps hier soir. Ils n'en reviennent toujours pas. Le clip de leur duo, La Même, a dépassé les 100 millions de vues sur YouTube. Les Energy Music Awards, la cérémonie, le 20e anniversaire. Ce sera le 10 novembre en direct de Cannes. Vous votez, comme d'habitude, sur le site officiel energy.fr. 8h04, fin de ce flash lundi 22 octobre. Vous retrouvez Manu dans 6-9. Nous, on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure. Bonne journée. C'est nous. Ah bonjour. Dans une minute, on va doubler votre salaire. On va s'écouter Alvaro Soler juste après. Et attention. Oui. Avant d'écouter Alvaro Soler, je vais vous annoncer quelque chose. Ouais. On double votre salaire tous les matins à 7h05 et 8h05. Eh bien, aujourd'hui, on va vous doubler autre chose. Mm-hmm. Calmez-vous, les mecs. Oulala. C'est pas ça. Non. Je vous annonce quoi dans deux minutes. Avant ça, on a une journée mondiale aujourd'hui. C'est la journée mondiale de la pomme. Cool. Okay. Oui, cool. La pomme. Ouais, ouais. Si. Ouais. Bah, moi, quand je fais un régime, par exemple, la pomme me sauve la vie. Dès que j'ai faim, je mange une pomme, j'ai plus faim. Mm. Et ça fait surtout pas grossir. Voilà, c'était passionnant, mais en tout cas, c'était ma petite astuce régime. Eh bien, on considère que tu nous dois 10 secondes de vie. Eh, merci. Mais elle a raison. Mais non, la pomme, honnêtement, la pomme, c'est chiant. La pomme, ouais. T'as 1000 sortes de pommes. Tu tombes jamais sur un goût cool. Faut la laver, faut l'éplucher, faut enlever la queue, les pépins. Oula. Franchement, excusez-moi, mais alors, c'est tout sauf cool. Voilà. Okay. Là-dessus, on va doubler votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. C'est parti, on va appeler Dorothée. Elle habite Gignac-la-Nerthe. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Elle a 25 ans et elle touche chaque mois 1897 euros. Elle a été sur énergie.fr pour s'inscrire. Et bien, Dorothée, t'as eu raison. Parce qu'on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Gignac-la-Nerthe, il est temps de te lever et de saluer Dorothée. Et d'abord, faut décrocher. Allô ? Allô, Dorothée ? Oui. C'est bien toi, Dorothée de Gignac-la-Nerthe ? Oui, oui, c'est moi. La fameuse Dorothée de Gignac-la-Nerthe ? C'est ça. Celle qui ne sait pas lire, non ? Non. T'as une réputation à Gignac Lanerte, Dorothée. Bah quoi, vous ne connaissez pas Gignac Lanerte? Bah non. Bah voilà. Et bah vous devriez, parce que si vous connaissiez Gignac Lanerte, vous connaîtriez la réputation de Dorothée. Est-ce que je me trompe, Dorothée? Non, tu te trompes pas. Alors, mais non. C'est quoi? Ah, parce que vous connaissez pas Gignac Lanerte. Bah, je veux dire un truc, moi non plus, je connais pas Gignac Lanerte. Dorothée, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur l'énergie. Et voilà. Dorothée, tu touches chaque mois 1897 euros. Je vais doubler ton salaire. Ça va faire 3794 euros pour toi. Merci beaucoup, c'est trop bien. Ah, je peux te dire que Gignac Lanerte va faire une fête ce soir. Ah, exactement. Alors, ils vont m'entendre, Gignac Lanerte. Mais Gignac Lanerte, t'as l'habitude d'entendre, Dorothée. Non. Tu es infirmière. Exact. Oh. Infirmière dans quoi ou quoi? Dans une clinique privée. D'accord. À Marignane. Et tu fais quoi? C'est dans un service spécial? Tu fais tout? Je suis en fin continue réanimation. D'accord. En réanimation? Ah, c'est wow. Quand on se fait opérer, en fait, on va dans un service de réanimation, c'est ça, et c'est toi qui nous réveille. C'est ça, c'est nous qui vous réveillons, ou alors on récupère des patients intubés, voilà. D'accord. Et ton boulot, c'est de nous réveiller. Exactement. C'est cool parce que quand t'es. Dans le meilleur des cas, bien sûr. Oui, oui. Trop mignonne. Oui, parce que en fait, Dorothée fait son travail, il faut le dire, assez à la cool. Ouais. C'est-à-dire que quand dans les sociétés, les gens qui font des post-clubs, elle fait pareil. Sauf qu'elle, ça joue sur la vie des gens. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est assez détendue, effectivement. Quoi. J'imagine la famille. Ah bah là, ça n'a pas marché. Non, heureusement que non. Je suis désolé, votre grand-papa est venu le jour de la finale du saison, de la saison finale de Game of Thrones. Et là, on était tous en train de regarder la télé. Je suis désolé. Non, mais on va le réanimer, mais dans deux semaines. Hein. Non, ça va. On a de très bons médecins pour ça, donc c'est bon. C'est bien, oui. C'est pas de ma faute, c'est la faute du médecin. Ça marche. Donc, on te double ton salaire. 3794 euros, ça arrive très vite pour toi. Bravo. Merci beaucoup. Vous êtes géniaux. On t'embrasse très fort, Dorothée. 8h08, je vous ai promis que j'allais vous annoncer quelque chose. Mais ouais. Attention, c'est le moment. À partir de maintenant, il est 8h08. Mm-hmm. D'ailleurs, ça doit avoir commencé depuis 8h ce matin. Ouais. Jusqu'à minuit, nous allons doubler quelque chose, et pas n'importe quoi, les votes pour les Energy Music Awards. Wow. C'est-à-dire, okay. Alors, c'est-à-dire, c'est très simple. Il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de retours qui « Ah ouais, mais ça y est, lui, il a gagné, c'est sûr. Moi, mon artiste préféré, non. » Eh bien, ouais. Les amis, tout va pouvoir changer maintenant. Parce qu'aujourd'hui, tous les votes sur energy.fr pour les Energy Music Awards vont compter double. Wow. D'accord. Oh. Yes. Okay. C'est-à-dire qu'il faudra deux fois moins de personnes pour faire remonter quelqu'un aujourd'hui jusqu'à minuit. C'est cool ça. Energy.fr, vous votez pour vos artistes préférés et les Energy Music Awards, c'est le 10 novembre. Je rappelle que vous avez jusqu'au 9 novembre pour voter. Et aujourd'hui, tous les votes pour les Energy Music Awards comptent double. Trop bien. Vous pouvez y aller, c'est sur energy.fr que ça se passe dès maintenant. Alvaro Soler sur Energy, juste après dans 3 minutes, c'est les concours du jour qui arrivent. Des gens improbables qui font des choses improbables, je vous raconte leurs histoires. C'est après Alvaro Soler. Va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela. En la televisión, me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar, creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me a la playa para así practicar pronto. contigo por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura. Bon réveil sur Énergie. Attention, dans même pas 10 minutes, on va se mettre sur la gueule. C'est le rendez-vous du lundi aux alentours de 8h20, le jeu de Glandu. Le principe est très simple, il nous pose des questions, chacun notre tour. Elles commencent toutes par, d'après toi, qui dans le studio? Et c'est toujours tendu et on est obligé de donner une réponse, on ne doit pas dire soi-même. Et donc forcément, on vise quelqu'un et qui le prend mal. Voilà. Oui, le but. C'est ça. Ça va se passer dans 10 minutes. On va écouter David Guetta, mais avant ça, voici les cocons du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte leurs histoires. Aux États-Unis, un homme masqué braque une bijouterie et emporte un pendentif et une bague, les deux en or. Et il s'en va, on ne le retrouve pas. Mais le lendemain, le même mec revient dans la bijouterie, mais cette fois à visage découvert, comme simple client. Ouais. Et le mec de la bijouterie reconnaît immédiatement l'homme, appelle la police et il se fait arrêter. D'après vous, comment c'est possible? Il s'était habillé pareil? Non, il n'était pas habillé pareil. Il a quand même pas mis le pendentif autour de son cou. Eh ben si. Le mec avait en fait sur lui le pendentif et la baga. Donc coup le bijoutier l'a reconnu tout de suite. Non mais j'y croyais pas en te le demandant quand même. Eh ben c'est voilà. Deuxième concours du jour. En France, en Charente, des ouvriers ont, sur ordre de la SNCF, rénommé totalement une gare. Ils la rénovent de A à Z. Ouais. C'est super. Mais sauf que, petit souci, la gare en question, en fait, est totalement fermée. C'est-à-dire que les voies ferrées qui passaient par là aussi, il n'y a aucun train qui passe. Et c'est une sorte de gare fantôme. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune réouverture qui était prévue. Mais non. Ah ouais. Donc la rénovation, en fait, ne sert à rien. Et il n'y a personne dans la chaîne SNCF et ouvriers qui s'est dit, c'est bizarre, il y a de la poussière un peu partout. Personne. Après, au moins, ils n'ont pas été gênés pendant les travaux, quoi. Non, des gens qui auraient voulu circuler. Alors, à ça, ils n'ont pas été gênés. Oui, personne ne sera gêné toujours. Bah, voilà. Voilà. Après, on critique la SNCF quand ils sont en grève, mais au moins, ils ne font pas de conneries. Je suis désolé. C'est vrai. Aux États-Unis, écoutez bien ce concon, un homme a braqué un Subway. Vous savez, c'est la sandwicherie. Ouais. Donc, pour la braquer, il prend un sandwich, il arrive à la caisse et là, il fait donne-moi la caisse. Ah. Et il se barre avec l'argent de la caisse. Ouais. On peut se dire opération réussie pour le braqueur. Enfin, réussie, ouais. Légal, bah, mais réussi. Absolument, merci Isabelle. Je t'en prie, je t'en prie. Inspecteur Isabelle. Mais le mec est revenu. Il revient à la sandwicherie et c'est là où il s'est fait gauler parce qu'il y a les caméras de surveillance. Ouais. Pourquoi il est revenu? Parce qu'en fait, il avait oublié le sandwich qu'il avait commandé. Ah, mais... Oui, il était midi et demi, il avait une petite fringale, il s'est dit attends, mon sandwich. Tant qu'à faire, autant manger un petit coup. Ah bah oui. Les concours du jour reviennent évidemment demain à la même heure. Don't you ever leave me. David Guetta arrive dans 3 minutes sur Énergie. Bon réveil. Manu dans le 6-9. Oui, c'est Manu, Manu, Manu et tous ces ouin ouin. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Énergie. I do it so long. Music only. ravager. J'suis pas ton plan bête, t'as ma télé fessée. J'réponds à tes appels, tu crois que j'vais la fesser. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, j'suis trop loin pour toi. C'est Laure Boulot, joueuse du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France féminine. C'est surprenant. Manu, 4 lettres. Laure, 5 lettres. Je fais du football, il fait de la radio, je suis blonde, il est brun. C'est vraiment surprenant. On n'a aucun, mais alors aucun point commun. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est son anniversaire aujourd'hui, elle a 32 ans. Alors, je ne sais pas si elle joue encore au PSG. Elle a mis un terme à sa carrière. Au PSG aussi? Ouais, je crois complètement. Elle est sur Instagram pas mal. Cool. Ah ouais? Non, mais elle est belle, Laure Boulot. Ah, tu connais pas Laure Boulot, si, Isabelle? Si, je l'ai... Mais pourquoi tu dis que c'est cool? Bah, parce qu'elle est sur Instagram, donc elle fait des photos et elle est jolie. Et voilà. Et si elle joue moins, elle a plus de vacances, donc plus de photos sur Instagram. Et voilà. Vous êtes vraiment bizarre, mais c'est pas grave. Alors, elle ne fait pas que pas jouer et faire des photos. Elle était l'ambassadrice des journées de l'arbitrage la semaine dernière qui abordait l'arbitrage de demain, technologie et féminisation. Pourquoi je dis ça? Parce que je regarde ce qu'il y a sur Internet. Ok. 8h19, refermons la page Laure Boulot, que nous rouvrirons à tout moment. David Guetta et Anne-Marie tout de suite sur Énergie. Juste après, c'est le jeu de Glandu. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. Be alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me? Don't you ever go? I've seen it on TV. I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave? Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today, with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I'll Avec vous comme chaque matin pour démarrer la journée. C'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui s'offre à nous et on en profite. On va s'écouter Dadju dans deux minutes. Avant ça, allez, on y va. C'est maintenant, c'est le jeu de Glandu. Le principe du jeu de Glandu, il est très simple, on se met sur la gueule. Ouais, c'est ça. Le concept est simple. Glandu va nous poser des questions, chacun notre tour, qui commence toutes par, d'après toi, qui dans le studio Et derrière, c'est une saloperie. C'est ça. Et il faut dénoncer quelqu'un et il faut que la personne assume. Allez, on y va. Allez, vas-y. Allez. Isabelle, d'après toi, qui dans le studio s'est pris le plus de râteaux? Franchement, on va pas se mentir, Manu. Je crois que t'as passé ta vie sur des jeux vidéo et que dès que tu sortais de chez toi, c'était bim pour te prendre un petit râteau. Qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve un peu sévère. C'est génial. Mais c'est pas faux. Je me suis pris beaucoup de râteaux. Ouais. Mais Isabelle, on la connaît douce et tout, et là, elle balance, quoi. Elle a pas hésité une seconde. Ah, mais c'est le jeu, hein. Ah, bah, c'est le passé. Ouais. Mais t'inquiète pas, c'est quoi, quelle que soit la question à laquelle je dois répondre, ce sera toi. Non, mais au fond, ça me fait de la peine pour toi, pour de vrai, mais je suis obligée de dire la vérité. Bah, je m'en suis pas mal sorti. Ouais, c'est vrai. Je suis un élan d'espoir pour tous les mecs qui se prennent des râteaux à dos. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Enfin, j'espère. Attends, à toi de te défouler, Manu. D'après toi, qui dans le studio pourrait répondre au téléphone pendant qu'il ou elle fait l'amour? Mais alors, je sais qu'il y a quelqu'un dans le studio qui l'a déjà fait. Ah, ah. Donc, c'est pas pourrait répondre, c'est qui a déjà répondu au téléphone pendant l'amour? Bah, Nico. Ouais. Il l'a déjà fait. Bah, c'est ma mère qui l'appelait. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Ouais. C'était sa mère qui l'appelait. Mais c'est pire que tout. Mec, maman, tu sais jamais ce qu'il y a. Ça se trouve, c'est un truc grave, etc. Alors, moi, c'était quoi? Bah, c'était pas grave du tout, je veux savoir comment j'allais. Ok. On s'appelle 6 fois par jour. Mais attends. Et t'as continué après ou ça t'a cassé complètement? Moi j'aurais bien voulu continuer, mais ma femme a mis une petite pause avant de continuer. Quoi. Nico, tu nous disais que c'était pas la folie au lit en ce moment, tu m'étonnes si tu réponds à ta mère. Alors moi je l'ai pas dit, mais du coup qui te l'a dit ça? Parce que là on est plus du tout dans le jeu. Là. Ouais, ça me fait plaisir que Pauline voit souvent des coups avec ta femme. Oh merde! Ouais, mais bon, vous réglerez ça bien sûr un peu plus tard. On va enchaîner. Hein. Ouais. Paulette, d'après toi, qui dans le studio est le plus nul en dictée? C'est qui? Ah, la chance, on peut pas répondre soi-même. Eh ouais. Ah, ouais. Il est ouf, lui. Calme-toi. Bah, tu vois, je dirais pas toi parce que moi, je suis pas mauvaise. Parce que ce serait faux en plus. Bah, oui, ce serait faux, c'est vrai. Je dirais pas Isa, elle fait tout le temps les devoirs, là, elle est à fond. Ah ouais. Je dirais pas Glandu, non, c'est Nico. Quoi? Bah, tu lis pas de livres. Bah, c'est gratuit, ça. Oh, c'est pas sympa, ça. Mais c'est pas sympa. C'est juste qu'il faut que je choisisse quelqu'un et tu lis pas de livres. Donc, je pense que voilà, c'est logique que tu fasses parfois des petites fautes. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. On l'a choisi par défaut, quoi. Alors, vous savez quoi? Je propose un truc. Ouais. On va faire une dictée. Oh, génial. Ah, ok. On va faire une dictée. C'est pas nous qu'allons la préparer. Elle est où, Anka? Anka! Ouais. Viens voir. Oui. Excusez-moi, alors Anka, vous ne la connaissez pas, elle travaille avec nous. Bonjour. Anka, est-ce que tu peux préparer, pour après l'émission, une dictée? Oui. Pas trop longue? Oui. Ok, tu la montres à personne et on la fera après l'émission. Oh, la pression. Et on va compter les fautes et on verra. Ok, on va le filmer. On ne triche pas, hein? Non, on ne triche pas. Ok, okay. Bien choisir okay. les mots. J'y vais de suite. Et après, on te la donne et tu la corrigeras et tout. Oui, ah d'accord. Ouais. Genre d'accord. Une dictée d'accord. classique. Okay. Ok, super. Allez, niveau 6ème, quoi. 6ème, 5ème. Oui, oh oui, non. Oui. Pas compliqué non plus. Fais-moi confiance. Voilà, pas trop compliqué non plus. Ouais. Le chat part dans l'eau. Bon, on continue le jeu de glandu. Dernière question, Nico, tu vas pouvoir te venger. Vas-y. D'après toi, qui dans le studio serait le plus susceptible de faire de la chirurgie esthétique? Alors c'est pas qui on aurait le plus besoin. Non, c'est, non. Ah. C'est bien cela. Mais juste que je comprenne bien la question. Non, c'est qui serait ce type. Est-ce qu'on peut faire les deux réponses? Non, je suis pas sûr. Ah non, pas c'est sûr. Dur. C'est abusé. Non, je dirais, mais c'est pas du tout une vengeance, hein, mais je dirais Paulette. Hein. Mais tiens. Oh je suis contre les produits chimiques et oui, tout mais ça. Chaque rien fois tu parles de tes dents qui sont complètement pourries. Ah, là. Oh, non. Non, mais alors déjà, je t'annonce qu'elles sont pas pourries. Non, mais tu l'as dit plein de fois. Se chevauchent un peu. Ouais, non, mais t'as dit plein de fois dans l'émission que t'aimerais bien changer tes dents. Non, attends. Pour prendre la défense de Paulette, c'est vrai ouais. qu'elle dit pas que ses dents sont pourries, elle dit que ses dents se chevauchent. Effectivement, on a l'impression qu'elles font toute l'amour les unes sur les autres. Ouais, il y a un problème à ce niveau-là. Non, mais moi je rigole plus avec vous. Hein. Les écoute pas. Mais que les dents du coup Alors vous savez quoi? Non, c'est pas méchant. Alors vous savez quoi? Non, c'est pas méchant. C'est pour dire que ce serait que sur les dents, quoi, la chirurgie esthétique. Bah, ouais, je pense. Ouais. Mais après, tout le reste est très très bien. Ouais. Non, mais attends, les dents, c'est pas le problème principal. Ah, pardon, allez, hein. Pardon, allez. Trop mignonne, Paulette. Vous êtes vraiment nulle. Je parle vraiment juste pour la vanne. Attends, franchement, si on parle de chirurgie esthétique, Isabelle, il y a du boulot. Mais c'est des malades, mais viens, Isabelle. On se casse. Ça va pas, mais vous pouvez parler. Vous avez vu vos têtes. Non, mais attends, Nico aussi. Nico, franchement, au bout de 3-4 liposuctions, il sera bien. Oh putain, oh là là. Manu, mais t'es un malade. Mais attends, mais ça va toi avec ton nez, mais tu vois plus rien devant toi. Ça va, oui. Bim. Tes lunettes, elles tiennent toutes seules. Oh, j'adore. J'adore ce jeu. C'est le principe du jeu de glandu. Non, mais c'est nul. C'est on a fait toutes les questions. Oui, c'est bon, c'est fini. C'est quoi? Dommage. On revient tout de suite. Je suis pas un gros nez. Bon réveil sur Énergie. On revient avec les infos à 8h30 et les sondages du matin arrivent dans une petite dizaine de minutes si on est encore en vie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Dans la famille des ouin, il y a Manu. Énergie. Faux stars préférées reviennent tout à calme. Le 10 novembre. Pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Refix.fr by Crédit Mutuel vous invite au Énergie Music Awards. Participez dès à présent au concours du meilleur fan. Et rendez-vous le 10 novembre à Cannes en direct sur TF1 et Énergie. It's music only. À la fois conseiller, commercial et responsable SAV, il sait tout faire en évitant les tuiles. Lui, c'est Richard. Richard Doise, artisan couvreur et son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy taille M Business avec navigation connectée 3D est à partir de 189€ par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, avec premier loyer de 3 130€, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 octobre, sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Sur Énergie, découvrez les services d'EDF Entreprise qui simplifient l'activité des pros. Panne d'électricité, fuite d'eau ou de gaz? Ne laissez pas un problème technique nuire à votre activité professionnelle. Avec les offres d'assistance dépannage d'EDF Entreprise, électricité, plomberie et gaz, des spécialistes vous répondent 24 heures sur 24 pour un diagnostic téléphonique et une intervention si nécessaire en moins de 3 heures. Pour plus d'informations, contactez-nous au 3022. Appel gratuit. Voir caractéristiques et conditions des offres sur edf.fr/entreprise. Les services d'assistance sont garantis par Europe Assistance. EDF est mandataire d'assurance immatriculé au registre des intermédiaires en assurance. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Moi, je suis une maman au top et surtout la reine des bonnes affaires. Mes courses de Noël. Je m'y prends maintenant et je profite de l'anniversaire Maxi Toys. Tout est à moins 15%. Fini le stress de fin d'année pour acheter les cadeaux de mes enfants. L'anniversaire Maxi Toys, c'est du 22 au 24 octobre. Dans l'un de vos 130 magasins et sur maxitoys.fr. Voir conditions en magasin. Laurie Strode a attendu son retour toute sa vie. Vous savez que je prie tous les soirs pour qu'il s'évade. Toute sa vie, elle s'est préparée. Pour lui faire la peau. Et puis, c'est arrivé. Michael s'est évadé. Maintenant, elle l'attend. Michael! Halloween, Jamie Lee Curtis et Laurie Strode. Halloween, le 24 octobre au cinéma. Par Blumhouse, les producteurs de Get Out, avec Énergie. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement. Pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. À vous qui criez cocorico devant les produits du terroir. À vous qui voyez le monde plus beau en bio.

Voilà, Mathieu Kassovitz ou encore l'humoriste Artus, vous les retrouvez dans la saison 4 du Bureau des Légendes à partir de ce soir sur Canal. Une adaptation américaine est déjà en cours de préparation. 8h35, fin de ce flash, lundi 22 octobre. Manu dans le 6-9, ça continue sur Énergie. Bonne journée. Je suis pas seul, tous les bourrins du matin sont là évidemment avec moi comme chaque jour. Il y a Isabelle. Ouais, coucou. Glandu est là aussi. La forme. Il y a Paulette. Dans la place. Il y a Nico. Salut. Yo, dans la place. Ouais. Tu sais, c'est. Charlotte Marie essaye de faire du rap. Dans la place. J'ai toujours rêvé de faire du hip-hop. Dadju arrive dans 2 minutes, juste après, c'est les sondages du matin. Avant ça, quelques infos. Yes. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre et je vous l'annonce. Dans 10 lundis tout pile, nous serons. Mais non. Le 24 décembre. Ouais. Et alors. Mais déjà. Vite, hein. C'est-à-dire qu'on dit ouais, on a le temps pour faire les cadeaux. Ça arrive, hein. Ouais, dans 10 lundis, bim. Déjà, on va vider tout notre compte en banque. Le tien est déjà vide. Ouais, c'est ça. Et oui. Moi, mon petit gars a déjà fait toute sa liste de Noël pour le Père Noël. Hein, ça y est. On va la poster après-demain. Oh bah très bien. Non, il est très prévoyant. Il a 4 ans, il a demandé quoi? Oh là là, pff, tellement de choses. Un robot, des toupies, je sais pas quoi, des qui tombent toutes. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il a demandé? Un gros poupon, des Legos, enfin, fou là. Moi j'aurais demandé une voiture. Non, mais ce qui est inquiétant, c'est que là, elle parle de son mec. Hein. Alors, dans 10 lundis, c'est Noël. Dans 11 lundis, ce sera le 31 décembre. Ah. Ok. Vous savez déjà ce que vous faites le 31 décembre? Bah, on va chez toi. T'as oublié? Eh ben pourquoi pas. J'ai encore rien prévu. Vous avez prévu les trucs ou pas? Non. Moi, j'essaie de convaincre des amis de le faire chez eux. Pour l'instant, ils craquent pas. Ok, Paulette. Moi, j'essaie de convaincre des amis d'aller à Berlin. J'ai envie de faire la fête à Berlin. Ah ouais? Quoi? Là, je sais que c'est la grosse fête là-bas. Il va faire très froid, mais. Elle paraît de son compte en moins qu'il y a 2 secondes. Elle choisit pas les réveillons. Tu sais, ceci explique cela. Hein. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu vas aller à Berlin que t'as plus de thunes? Ouais, je sais. C'est comme ses bottes, elle me disait prends-moi. C'est vrai. Et après, on est le combien? On est le 22, là-bas, dans le 2 novembre, Paulette, comme chaque mois, elle va envoyer un petit mail à la nana de la compta en disant est-ce que tu penses que ce mois-ci, ce serait possible d'avoir une avance sur salaire? Comme chaque mois. Oui. Elle m'a jeté, c'est jusqu'au 15 qu'on peut avoir une avance. Okay, en plus, elle s'y connaît. Ah ouais. Moi, c'est comme sur le tour de la demi-vanne, mais elle est très sérieuse. Alors, attention, hein, sur les avances sur salaire, je m'y connais très bien. Hein. La loi est stricte. Elle oublie ses rendez-vous, mais les avances sur salaire, ça, elle oublie pas. Hein. Les dates. Ah bah, elle pourrait dormir dans le bureau de la compta pour être sûre de ne pas louper. 8h39, l'équipe de gestion d'énergie vous souhaite une bonne journée. Les sondages du matin arrivent dans 3 minutes, c'est juste après Dead You. Nous sommes 37% à avoir ça en permanence dans notre voiture. Vous êtes en voiture en ce moment, vous allez au boulot. Qu'est-ce que vous avez en permanence dedans? Et bien la réponse, dans 3 minutes, après Dead You sur Énergie. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer. Un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Jamais son dernier mot. Nanana. Et tu peux lire sous ses paupières déterminée. Elle agit, elle ne parle pas. Y'en a pas, mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Lionne. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. réfléchir. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Tout assumé. De l'amour, on espère qu'il va y avoir de l'amour. Dans 5 minutes, on va retrouver au téléphone Sonia et Dylan qui nous avaient appelé vendredi à la même heure pour nous parler du premier rendez-vous qu'ils allaient avoir ce week-end. Ouais. Sonia avait rendez-vous avec le prof de physique de son fils qui est en 5e. Alors elle stressait un peu parce qu'elle avait peur que le prof lui parle de son fils qui n'avait pas des super notes j'ai en physique. Hâte, moi, j'ai hyper hâte de savoir. Et bon, on va savoir, on va les avoir au téléphone avec Dylan aussi qui avait rendez-vous avec une fille. Alors le truc, c'est que la fille est végane. Lui est chasseur, il lui avait pas dit. Oui. Mmh. Donc il avait très très peur du moment où il lui avoue. Ouais. Est-ce que ça allait péter? Aïe. Moi, on va savoir ce qui s'est passé. Ça va se passer dans même pas 10 minutes. Avant ça, et avant d'écouter Jane, voici les sondages du matin. Mmh. 12% des personnes en couple disent que c'est ce qu'elles regrettent le plus de leur célibat. D'après vous, de quoi il s'agit? Devoir partager la salle de bain. Non, mais c'est dans l'esprit de partager quelque chose. Ah, relever ou baisser la lunette des toilettes? Non. Devoir partager une série ensemble? Non. Ça se passe à la maison, du coup? Oui. Okay. 12% des personnes en couple disent que c'est ce qu'elles regrettent le plus de leur célibat. C'est un truc qu'on fait souvent? Ah oui, très souvent. On n'a pas à partager le repas, on peut se goinfrer. Non. Partager le lit? Exactement, avoir toute la place dans le lit. Ah ouais. Ah bah oui. Ah ouais. 12% des personnes en couple disent que c'est ce qu'elles regrettent le plus de leur célibat, elles avaient toute la place dans le lit. Alors, moi, je suis célibataire depuis peu. Ouais. Putain, quel kiff. Ah ouais. Ah ouais. Oh, la place dans le lit tout le temps. Ouais, tu dors en travers là comme ça. Mais tu fais ce que tu veux, mec. Oh, trop bien. Des fois tu dors à droite. Des fois tu dors à gauche, des fois tu dors de travers, des fois t'as chaud, tu balances toute la couette. Ouais. Et personne, je dis bien personne, ne te tire la couette. Ah, d'accord. Rêve. Oh. Et tu t'enroules comme un nem dedans là. Ah ouais. Bien, et des fois je mets même un peu des trucs de menthe dessus pour être vraiment nem. Oh, c'est bon. L'amour dans tout ça, vous en faites quoi? Eh ben l'amour quand je me réveille. Nous sommes 37% à avoir ça en permanence dans la voiture. Qu'est-ce que c'est, Nico? C'est un objet qui sert à la conduite ou pas du tout? Pas du tout. Une vieille frite qui traîne? Non, c'est un objet qu'on peut catégoriser dans les objets au cas où. Au cas où. Un torchon, si jamais tu dois nettoyer. Non. Un préservatif? Non. Un parapluie? Non. Des piles? Non. Nous sommes 37% à avoir ça en permanence dans la voiture. Je sais que c'est pas forcément le truc auquel on pense en premier, mais ça peut sauver. Des Kleenex? C'est quasiment ça, c'est un rouleau de PQ. Ah oui. Ça peut sauver, oui, effectivement. Ouais. Ça peut aider une fois. Ouais, voilà. Et ça veut dire que tu fais quoi? Tu le fais où? Si t'as un rouleau de papier toilette. Bah tu le fais, tu le fais dans la nature et tu gardes le papier toilette après dans un sac plastique pour ne pas polluer. D'accord, ok. Tu peux le faire aussi dans un endroit où il n'y a pas de papier toilette. Non, dans les stations-service aussi, souvent c'est du papier toilette pourri là. C'est bien d'avoir le sien. Bah tu sais, honnêtement, franchement, je préfère assumer le fait d'arriver avec ton rouleau que de te laver avec. C'est du papier abrasif, hein. Le papier toilette des stations-service, il s'en sert pour poncer les tables. Dernier sondage du matin. 3% des gens ont parlé de ça lors du premier rendez-vous. De ça quoi? Les enfants qu'ils allaient avoir ensemble. Non. De la mort? Non. De leur ex? De leur ex, non. D'un projet? D'une maison? Non. L'achat d'une voiture? Non. Un projet de mariage? de leur futur mariage. Et non. Avec... Au premier rendez-vous, 3% des gens ont parlé de leur futur mariage. Oh, c'est engageant, quoi. C'est rapide. Ouais. Ah ouais. C'est très rapide. À propos de premier rendez-vous, nous allons retrouver dans 3 minutes Sonia et Dylan, qui ont eu un premier rendez-vous ce week-end. Dylan avec une fille qui est végane. Lui est chasseur, il devait lui annoncer. Ouais. Et Sonia, rendez-vous avec le prof de physique de son fils qui a eu 7 de moyenne cette année. Comment ça s'est passé? Amour, amour ou pas du tout? La réponse dans 3 minutes, restez bien avec nous. On va les avoir au téléphone juste après Jane sur Énergie. 8h46. Bienvenue. Nacho. Things gonna be sur Énergie, les 8h48 de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ah ouais. Oui. On va écouter Kaiser Panda. Ça arrive dans 2 minutes sur Énergie. Enfin, 3 minutes, voire 4. Parce qu'il faut qu'on prenne du temps maintenant. Bah pour oui. De l'amour. Vendredi, Sonia et Dylan nous ont appelés pour nous parler du premier rendez-vous qu'ils allaient avoir ce week-end. Dylan avait rendez-vous avec une fille végane. Et lui est chasseur, il lui avait pas dit. Ouais. Il comptait lui dire au premier rendez-vous. C'est tendu, c'est pas le plus facile. Mais... l'amour peut briser les frontières. Ouais. Avant Dylan, on va retrouver Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Manu. Toi aussi, tu avais un premier rendez-vous ce week-end. Tu avais rendez-vous avec le prof de physique de ton fils. Il est en 5e. Vous avez parlé ensemble à la réunion parents-prof. Bim, boum, bam. Vous aviez rendez-vous, je ne sais pas comment vous en êtes arrivé là, au resto samedi soir. Tu stressais un peu parce qu'évidemment, ce n'est pas évident de sortir avec le prof de son fils. Bah ouais. Mmh. Oui. Sonia, est-ce que déjà, vous vous êtes retrouvés au premier rendez-vous? Oui, on s'est retrouvés au premier rendez-vous. Au restaurant? Non. Oui, dans un resto. Quel type de restaurant? C'était comme une brasserie, je ne sais pas si tu connais, c'est Au Bureau. Oui, très bien. C'est une chaîne Au Bureau, ils font des Welsh. Non, c'est pas ça? Oui, oui, c'est ça. Ah, carrément, c'est dans le nord de la France. Bah, t'en as un peu partout. Oui, ouais, partout. Ok, vous battez pas. Alors Alors je vois très bien. Alors c'est pas évidemment c'est un peu gras hein, pour un premier rendez-vous, mais un premier rendez-vous gras. Un peu de tout. Mais absolument bien sûr. Alors Sonia, comment ça s'est passé? Eh ben Manu, tout s'est très bien passé. On a bien discuté, un bon petit apéro. Sauf que à un moment donné, durant le repas, il a fait ce que je craignais. Il m'a sorti les 2 derniers contrôles de mon fils. Oh merde. Oui, pour me montrer comment je pouvais l'aider à l'améliorer, à avoir des meilleures notes. Alors, attends, non, mais on peut penser que le mec est relou. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est un homme. Et qu'à un moment, nous, on sait pas trop comment faire plaisir à quelqu'un. Et je pense qu'il s'est dit, si je lui montre que je montre de l'intérêt pour son fils, elle va se dire que je suis quelqu'un de bien. Ouais, c'est ça. Voilà ce que je pense, Sonia. Eh ben, il s'est planté. Oui, parce que en plus, comme il est pas très bon, et je voulais vraiment pas qu'on mélange tout. Je voulais vraiment que ce soit notre petit moment à nous. Du coup, je l'ai menacé de partir si rangeait pas les copies et si on rangeait pas du coup de discussion. Oh la vache. Bah, gentiment, je lui ai dit, hein, mais il a compris, il l'a fait. Et du coup, la suite s'est quand même bien déroulée. On a bien terminé le repas. Mais voilà, ça s'est arrêté avec une bise. Et puis là, je suis un peu sceptique quand même à l'idée de le revoir par rapport à ce qui s'est passé. Ah, mais attends, tu sais quoi, Sonia, dans le marketing, on dit qu'il faut toujours donner une chance au produit. Oh là là. Je pense que pour toi, c'est une faute, mais pour lui, c'était une tentative. Ouais, ouais. À partir du moment où tu lui as dit que tu voulais plus qu'il te parle des notes de ton fils, il faut que tu ailles à un deuxième rendez-vous. Et s'il le refait, là, c'est qu'il n'a pas compris. Mais s'il ne le refait pas, c'est qu'il peut se passer quelque chose. Après, écoute ton cœur. Ton cœur te dit-il d'aller voir cet homme ou ton cœur te dit-il qu'en plus, tu pourrais améliorer les notes de ton fils pour qu'il devienne plus tard chercheur? Mon cœur, il est partagé, je t'avoue. C'est ça. Donc, tu ne sais pas ce que tu vas faire? Non. Je vais attendre quelques jours et voir un petit peu par rapport aux messages qu'on s'envoie. Moi, je serai toi, j'attendrai d'avoir encore un ou deux contrôles. Et au bout de deux contrôles, où ton fils, il a 5 et 6, là, tu fais « bon, faut qu'on fasse quelque chose ». Tu nous tiens au courant, Sonia, on t'embrasse fort. D'accord, Manu, bisous à tous. Belle journée à toi. Attention, on va retrouver Dylan. Rebonjour, Dylan. Salut, Manu, salut tout le monde. Alors, attention, Dylan avait rendez-vous ce week-end avec une fille qui est végane. Elle lui avait dit, je suis végane. Et Dylan, du coup, lui a caché le fait que lui était chasseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous êtes retrouvés? Eh bien, écoute, on s'est retrouvés dans un petit restaurant italien. Ok. Voilà, la soirée s'est très bien passée, j'avais de l'appréhension, mais en fait, ça s'est très bien passé. Je pense que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle. Mais bon, j'ai préféré attendre la fin du repas quand même pour lui avouer que, voilà, que j'étais chasseur. Et d'un coup, à la fin du repas, il a sorti une carabine. Il a tiré sur la tomate mozza. Non, et en fait, bon, voilà, m'a fait un peu la morale. Mais en fait, elle l'a super bien pris, quoi. Donc ça s'est super bien passé. Donc, Tu lui as annoncé que t'étais chasseur et elle s'est pas braquée. Non, elle s'est pas braquée, non. Eh ben, non. Qu'est-ce que je t'avais dit vendredi? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que les gens, au-delà de leurs idées, mais on peut se créer des points communs, trouver des points communs. On n'est pas tous différents à 100%. Mais c'est génial, ça veut dire que tu lui plais vraiment. Parce que sinon, elle aurait choisi ça comme prétexte pour pas se revoir, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça s'est super bien passé. On a fini la soirée à la maison, un petit câlin. Puis on peut se revoir. Dylan, un petit câlin, Hop, Vous avez été fleur poussée ou... Comment? Vous avez fait... On est allé à la maison, quoi. C'est pudique, c'est le reste mignon. Appartient à la légende. Voilà. C'est la porte ouverte. C'est un joli conte d'enfant, le chasseur et la végane. Exact. Dylan, tiens-nous au courant de la suite de ton aventure. Très bien, très bien. Merci beaucoup de nous avoir rappelé. J'aime ces belles histoires d'amour. Ciao Dylan. 8h54. On va s'écouter Kaiser Panda. De l'amour, de l'amour. C'est une belle chanson d'amour. Bon réveil sur NRJ. Te llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la gana. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer, y si no, pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balqué, de noche me floco como Yandel. Hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Paraguay.